écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Je vais répondre à tes questions brûlantes, questions qui te brûlent littéralement la langue. Donc, si tu veux me dire d'arrêter avec mes questions, on va se faire. Non, non, arrête pas. Mais là, je pourrais pas partir de l'intro si tu me dis pas là. Arrête avec tes questions, Mathieu. Le chéri, par contre, hein? Ah ouais. La prochaine fois, je dirai ça. Avec chéri Mathieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Non, ça fait, c'est vrai que ça fait longtemps. Et voilà. Donc, première question. C'est pour ça que ça m'est pas venu de même. Là. J'ai perdu. Je suis rouillé. Le réflexe. Le reflex. T'es rouillé. L'antax. Oui. L'anthrax. Anthrax. Boston George. Bref. Non, c'est crème Boston String. Ouais. Donc, première question, s'il te plaît, Jean-Philippe. Oui, ben écoute, Mathieu, des fois, on fait des callbacks, flashbacks et tout et tout. Puis là, tu sais, dans la vie, là, on parle souvent de l'homme de Néandertal. Oui. Et puis après ça, tu sais, t'as faim, t'as envie de faire tes crocs sur des filets mignons. Crocs mignons. Oh! OK, je vais avec une question bien simple. Pour moi, c'est pas une blague de magazine crocs. Ça aurait été déplacé. Ça aurait été déplacé. C'est quoi la différence entre Néandertal et Cro-Magnon? Si on fait un versus. Un versus. Fight to the death. Finish him. Si on y va rapidement, genre l'explication courte, c'est que l'homme de Néandertal est plus primitif, mais plus fort, alors que les Cro-Magnons sont dans le fond l'évolution. En fait, la dévolution, c'est nous. Ah. C'est nous dans le temps, si je comprends. Donc, c'est beaucoup plus insultant de traiter quelqu'un de Néandertal. D'accord? Donc, Néandertal, Homo Neanderthalensis, dans le fond, ça a été découvert dans la vallée de Néander, en Allemagne, en 1856. Ils ont commencé à être sur la Terre il y a entre 100 000 et 200 000 ans, plus ou moins, au début et au milieu de l'ère paléolithique. Ils utilisaient des outils, mais des outils très, très simples. Souvent, ils utilisaient des roches, des os et des bâtons. Et ils utilisaient le feu aussi. Donc, l'homme de Néandertal, tout le temps difficile à dire, est plus musculaire. Et puis, leur crâne était plus plat. Alors que les Cro-Magnons, eux, sont presque comme nous. Donc, ils ont pris leur nom de la cave en France où Louis Lartet les a découverts en 1868. En fait, il a trouvé leur squelette, là, parce qu'il était mort depuis un bout, je pense. Donc, contrairement à l'homme de Néandertal, les Cro-Magnons n'étaient pas une espèce séparée de l'Homo sapiens, donc nous. En fait, c'était dans le fond notre espèce qui vivait entre il y a 35 000 et 10 000 ans. Et donc, ils sont presque pareils comme nous autres anatomiquement parlant. Par contre, il y avait le visage un petit peu plus large, un petit peu plus de muscles. Ils avaient un petit peu plus gros cerveau. Les deux espèces, en fait, ont vécu en même temps pendant un certain bout en Europe pendant quelques milliers d'années. On se demandait est-ce qu'ils se sont mélangés les deux. Les scientifiques croient qu'il y a probablement eu quelques relations, mais certainement pas des choses à long terme ou vraiment qui auraient pu affecter l'histoire. C'est compliqué. Sur Facebook, ça aurait été c'est compliqué. On dit que probablement qu'ils étaient physiquement répugnants les uns envers les autres, donc il y avait une espèce de relation raciste entre les deux. Et puis, ils pouvaient pas communiquer non plus parce qu'ils parlaient pas pareil. Communiquait pas pareil. Donc voilà pour la différence entre les hommes, l'homme de Néandertal et les Cro-Magnons. Intéressant. Et puis, une autre question qui m'est venue en tête, comme ça, Mathieu. j'écoutais un film de guerre où, tu sais, les pilotes là, qui se crashent volontairement. Dans d'autres avions, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi ils prennent le temps de porter un casque? Ah, mais quelle excellente question! Et je vais te répondre du mieux de mes capacités. Non, en fait, les réponses sont d'Internet, évidemment. Puis mes questions sont aussi. ça vient de mentalfast.com, celui-là. Donc, c'est un petit peu une question piège, parce qu'en fait, ils portaient pas de casque, mais plutôt un genre de chapeau de vol en cuir. Ça couvrait leur tête et leurs oreilles. Ça empêchait les pilotes d'avoir trop froid ou de devenir sourds avec la vitesse à laquelle ils allaient. Et c'était aussi pour avoir une meilleure vue lors du décollage, de l'atterrissage, etc. Donc, porter ça, ben, c'était pas pour pas mourir, parce qu'évidemment, ça t'empêchera pas de mourir. Mais c'est ça, dans le fond, c'était pour pouvoir se rendre jusqu'à son but de foncer dans un autre avion. Et si jamais il réussissait pas son coup, ben au moins il pouvait continuer à entendre. J'imagine à voir et à pas geler de froid ou des trucs comme ça. Il devait tout avoir des cheveux comme moi, un peu longs. Donc, ça prenait un petit casque pour pas avoir le toupette dans les yeux. Exactement. Donc, les kamikazes souvent devaient annuler leur mission avant la finale explosive à cause soit de turbulences, de météo, de problèmes de visibilité. Et donc, le casque, entre guillemets, le chapeau protecteur était beaucoup plus important pour les aider à compléter leur mission et à, en fond, survivre si jamais ils ne se rendaient pas jusque-là. Voilà. À mourir. OK, excellent. Très bonne réponse, ça, Mathieu. Maintenant, parlons des mille. Émile, pas Émile. 500 000 milles jusqu'à mon cœur. Mais c'est où les mille îles? Y a-tu vraiment mille îles? Comme dans une petite sauce, là, la bonne petite vinaigrette que je mets sur ma salade depuis 3 semaines parce que ça passe pas vite, une vinaigrette pour moi. Non, c'est vrai. C'est long, mais bon. Donc, mille îles, oui, délicieuse vinaigrette qui donne un petit kick à pas mal tout, dont les hamburgers. Entre autres, la recette du Big Mac comprend, entre autres, la vinaigrette mille îles. On a déjà parlé dans C'est un fait. Donc, les mille îles, en fait, sont un archipel dans la rivière Saint-Laurent. Ah oui, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Tout à fait. En fait, il y en a 1793 de ces petites îles et certaines sont tellement petites qu'ils ont juste une maison. Oh, ben ils sont quand même habités. Oui, c'est chic de pouvoir dire j'habite sur une île tout déserte. Seul. Déserte. Et voilà. Ben, pas déserte, ben j'habite dessus, là, mais. Oh, ouais. Mais en tout cas, on se comprend. Donc, pourquoi est-ce qu'on a nommé cette vinaigrette après un archipel? Eh bien, personne n'est certain. Certaines personnes disent qu'une vedette de cinéma et une vedette de vaudeville, Mary Irwin, qui passait son été sur une des mille îles ou sur plusieurs mille îles, l'avait nommée. Il y en a qui disent ça. D'autres disent que c'est George Bolt, le propriétaire du Waldorf Astoria. Ça, il me semble que c'est un hôtel, mais je suis pas certain. Donc, a donné à la vinaigrette son nom parce que sa maison d'été était dans cette région-là. Donc, deux personnes qui auraient nommé ça. Voilà. Mille îles. Et puis, le temps des orages bat son plein. Ouais. Malheureusement, ça me fait peur. Et puis, moi, je prenais ma douche. Puis, il y a un orage qui s'est mis à gronder. Jean-Philippe. Est-ce que c'est vrai que c'est... Ben, en fait, oui. Donc, aie peur. Oui, parce que je dois avoir peur. Ça peut arriver, mais c'est pas tout à fait probable. OK. C'est possible, mais pas probable. Donc, normalement, si l'éclair frappe une maison ou une bâtisse, les habitants sont d'habitude assez bien protégés parce que l'électricité suit le chemin le plus facile, donc là où il y a le moins de résistance, entre le jusqu'au sol. Dans le fond, il va passer à travers les conduits électriques. La plomberie, sûrement aussi. La plomberie, ben exactement. Donc, les affaires de métal, comme tu dis, le chauffage, la plomberie, tout ça, ce sont de meilleurs conducteurs que le corps humain. Donc, l'électricité d'un éclair, finalement, passait à travers ces choses-là et se dissiperait dans le sol. Si tu prends une douche ou un bain ou que tu commences à même laver la vaisselle dans la cuisine, par contre, tu ouvres la possibilité à ce que si on lui donne l'option à l'éclair, parce que c'est elle qui choisit le chemin où il y a le moins de résistance, ben ça se pourrait que tu sois meilleur conducteur. Waouh! Parce que tu touches à de l'eau. Donc, le métal est un bon conducteur, comme on disait. Donc, l'électricité qui passe à travers les tuyaux de métal, c'est jamais une bonne chose. On dit ensuite plus tard que l'eau contient des impuretés, même les meilleures eaux. Et ça conduit mieux le courant, ça aide à conduire le courant quand tu as des impuretés. Encore plus, donc, si on ajoute sur cette pile de faits-là, donc la résistance de ton corps à l'électricité est coupée lorsque tu es mouillé. Donc, si l'éclair frappe ou le tonnerre frappe et que tu es en contact avec un tuyau ou une pomme de douche ou n'importe quoi, c'est très, très possible que le courant te trouve. Tes chances de te faire frapper par l'éclair de n'importe quelle façon que ce soit dans une année sont de 1 sur 775 000 selon le National Weather Service. Mais quand même, tu ne peux pas finir comme Josephine Martin, une femme du Royaume-Uni qui a été catapultée de son bain et de l'autre côté de la salle de bain après que l'éclair ait voyagé dans le tuyau et dans la pomme de douche qu'elle touchait à ce moment-là. Wow! Catapultée. Ça doit être tout un tour de manège. Est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas. C'est ce que je me demandais aussitôt que je l'ai lu. Probablement pas. Sinon, il l'aurait mentionné. Non, elle a survécu. Waouh! Mais imagine, tu te fais frapper par l'éclair, t'es pas fort après. Non. Je sais pas. J'ai un éclair de génie! Ouh! Petite ampoule. Oui. Non, moi, pour vrai, les éclairs... ma mère, quand j'étais jeune, j'ai le souvenir qu'elle avait très, très peur de l'éclair. Donc, elle allait se cacher dans sa chambre. Moi, c'est pas nécessairement la peur du bruit. C'est la peur de faire quelque chose de pas correct. Comme, mettons, juste une niaiserie comme laisser la télé branchée et l'écouter pendant qu'il y a un éclair, tu peux facilement faire sauter ta télé. Oui. Mais vraiment facilement, et c'est pas quelque chose de ça arrive jamais. C'est quelque chose de très, très commun. Ou encore ton ordinateur. Tu sais, des affaires qui coûtent cher. j'irais débrancher du mur, même si votre petit appareil, nous, on a acheté des barres de surtension, assez classe, là, genre avec je sais pas trop combien de milliers de dollars de garantie dessus. Mais quand je peux, j'ai déconnecte. Si on n'est pas à la maison, bon, tu sais, tant pis. Je ne veux pas appeler les voisins pour aller déconnecter ça. Mais ça me fait peur un peu. Voilà. Mais voilà pour arrête avec tes questions. J'arrête. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On parle de cette lumière blanche aperçue avant la mort et donc qui serait peut-être enfin expliquée. Quand je dis peut-être, c'est pas que eux autres ils ont sûrement une réponse là, mais hein, faut quand même laisser la place à la magie. Hein? Donc c'est la fameuse lumière blanche au fond du tunnel aperçue par les personnes ayant réchappé peu à la mort n'est désormais plus un mystère selon une étude publiée lundi dernier aux États-Unis. Ces visions étranges dont font part certaines victimes d'arrêt cardiaque correspondent à un regain de l'activité cérébrale lorsque la circulation sanguine cesse dans le cerveau. Alors, je cite les auteurs de cette étude. « Nous sommes partis de l'idée que si cette expérience résulte d'une activité cérébrale, elle devrait pouvoir être détectée chez les hommes comme chez les animaux, même après l'arrêt de la circulation du sang dans le cerveau. » C'est ce que détaille le neurologue. Ainsi, les chercheurs ont analysé cliniquement l'électroencéphalogramme de 9 rats anesthésiés chez qui ils ont provoqué un arrêt cardiaque. Résultat, dans les 30 secondes, tous les rongeurs sont passés par une augmentation de leur activité cérébrale très organisé dans l'ensemble de leur cerveau et correspondant à l'état d'éveil élevé. Le phénomène également a été constaté chez des rats qui s'asphyxiaient. OK. Je recite toujours ces chercheurs. Nous avons été surpris par les hauts niveaux d'activité du cerveau, explique Georges Nassour, professeur d'anesthésiologie, et de neurochirurgie à l'Université du Michigan et co-auteur de ces recherches. En fait, en état de mort imminente, de nombreuses signatures électriques cérébrales de l'état de conscience excèdent celles enregistrées à l'état de veille, ce qui laisse penser que le cerveau est capable d'une activité électrique bien organisée au premier stade de la mort clinique. En résumé, un cerveau à l'agonie connaît une activité plus intense que celle d'un cerveau sain. OK. Toutefois, certaines réserves ont été émises par des scientifiques extérieurs à cette étude. Le professeur de psychologie à l'Université de Cardiff, Chris Chambler, a déclaré qu'il était tentant d'établir une relation entre le regain d'activité des neurones et l'état de conscience, mais on se heurte à deux problèmes. Le premier est qu'on ignore si les rats ont un état de conscience, et même si c'était le cas, conclure que ce regain d'activité cérébrale est la signature d'un tel état est simplement fallacieux. Hein? Quand même, on en apprend, mais pas vraiment plus. Hein? Finalement, ça arrive souvent ici dans le dîner de con quand on pense avoir une réponse. Et c'est pourquoi je disais, on croit peut-être que... Hein? D'habitude, c'est rarement là, clair et net. On va changer complètement de domaine. On va aller parler de la PlayStation 4 qui va peut-être s'offrir un casque de réalité virtuelle comme accessoire. Hein? Excellent. Donc, si les futurs jeux de PS4 se démarquaient par l'immersion totale de leurs joueurs dans une réalité virtuelle, eh bien, c'est ce que semble augurer, le rapport de Eurogame, qui avance que Sony développerait actuellement son propre casque de réalité virtuelle. Il paraît ainsi que ce dernier se compose de deux écrans séparés afin de projeter une impression de tridimension hors norme, appuyée par des gyroscopes et des accéléromètres. On veut ça. Ça fait longtemps qu'on le veut. Nintendo a essayé dans les années 90, un moment donné. Il y avait un genre de robot, là, le Virtual Boy, je pense qu'il appelait ça. Ça ressemble un peu, mais là, c'est le casque, vraiment sur la tête. Donc, des sources près de Eurogamer, d'après ces sources, ce casque de réalité virtuelle aurait déjà été testé en interne avec le jeu de course Drive Club, prévu sur PlayStation 4. En tournant simplement la tête, il deviendrait alors possible pour les joueurs de regarder autour d'eux depuis la vue interne des véhicules, comme s'ils étaient réellement au volant des automobiles. Si un tel système était véritablement mis au point, il pourrait effectivement s'agir d'une plus-value considérable pour la PlayStation 4. Déjà que moi, je trouve Sony est vraiment en avance devant Microsoft, mais ça, c'est mon avis. Donc, tant les jeux pouvant être optimisés par ce biais sont légion. De Killzone, Shadowfall à Assassin's Creed 4, il semble que les fonctionnalités d'un casque de réalité virtuelle puissent bouleverser le rapport établi aux jeux vidéo. Sony aurait apparemment envisagé de présenter ce nouveau produit à la Gamescom avant d'y renoncer au dernier moment, sans doute pour ne pas trop se dévoiler, hein, et ne pas donner la chance à son concurrent de peut-être faire la même chose. Et bien sûr, étudier le marché des casques de réalité virtuelle pour mieux établir s'il peut être un véritable atout pour la PlayStation 4 et lui permettre de semer la concurrence. Ben moi, je vous le dis, Sony, si vous m'entendez, moi, je voulais pas m'acheter une PlayStation 4, puis je pense pas m'en acheter une. Mais s'il y a un casque de réalité virtuelle dedans, disons que ça te fait réfléchir un peu plus, parce que là, c'est quelque chose. Hein? Il faut dire que les précédents essais de Sony dans ce domaine se sont avérés peu concluants, principalement à cause des prix des appareils. Par exemple, son casque, HMZ T3 destiné aux cinéphiles va être lancé sur le marché pour la modique somme de 1 300 €, et les modèles précédents coûtaient respectivement 800 et 1 000 €. Une donnée qui explique certainement le peu de succès rencontré par ces deux derniers modèles. Ça, c'est sûr qu'à ce prix-là, t'as moins le goût. Si pour le moment rien n'est encore officiel, il semblerait que Sony compte faire des casques de réalité virtuelle son accessoire incontournable pour la PlayStation 4, ce qui donnerait un coup parce que Microsoft, elle, a son Kinect. PlayStation 4 pour avoir son casque de réalité virtuelle. Cependant, pour en tirer profit, la société japonaise devra proposer un produit plus satisfaisant que l'Oculus Rift, ce casque qui s'est accaparé toute l'attention lors du Gamescom. Performant et accessible, il faudra tout de même débourser 300 $. Mais ça, c'est quand même déjà pas mal mieux que 1 300. Il a réussi à séduire les joueurs et a même obtenu quelques partenariats avec les grands titres tels que Half-Life 2. Seul reproche, quelques troubles physiologiques après son utilisation. Un problème que pourrait corriger Sony avec son propre modèle, un défi de taille pour la marque japonaise. C'est sûr que quand tu sors de là, ton cerveau doit avoir de la difficulté un peu à retrouver sa normalité. Hein? C'est bien entendu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Un peu comme un karatéka, je sacrerais des bifs d'en face. Oui. Je te sac de l'information dans... Hein? La prise du sommeil. Ah. Mais là, c'est probablement le matin, on veut pas endormir les gens. Là. C'est vrai. On fait déjà assez d'autorisation dans les pubs qu'on va enregistrer juste après l'émission tantôt. Il y a plein de blagues contre nous autres, c'est drôle. voici, c'est un fait. Est-ce qu'il te désaltère ton café, Jean-Philippe? Il est délicieux. J'ai entendu un... Délicieux, mais trop chaud. Ah, OK. Je mets pas de lait dedans. Non? Non, je suis pas un laitier. Ni un sucrier? Oui, je suis un sucrier, mais pas un laitier. T'es un cendrier. Oh, je suis plein de botch. Ça le fond de... C'est pas vrai. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Jean-Philippe, je vais essayer de t'apprendre des choses tout en apprenant moi-même des choses. Hein, oui. Selon Internet, oui. Comme toujours. Tout le temps. Fait qu'on sait pas. Toujours les sources. Les sources sûres. On me demande où est ta source? Bah, Twitter. Les nettes. Les nettes. Les tuyaux parmi les chats. Donc, en 1987, 7 millions d'enfants américains sont disparus. Pourquoi, me demandes-tu, 7 millions d'enfants? Parce que le IRS, le Internal Revenue Service, là, les impôts, ont commencé à demander les numéros d'assurance sociale des personnes dépendantes sur leur formulaire d'impôt. Donc, quand les parents avaient des enfants, il fallait qu'ils aient leur numéro d'assurance sociale et tout ça. Et, tout ça. Et voilà. Donc, il y avait des gens qui crossaient le système. Uh-huh. 7 millions. 7 millions. C'est quand même pas mal. Une tortue a vécu 255 ans. Pour mettre ça en perspective, si on veut, elle est née avant que les États-Unis existent et sa mort a été annoncée sur CNN à la télé. T'sais? Aujourd'hui, on apprend la mort de Madame Tortue. Oui, Madame Tortue. Ah, c'était quoi son nom, tu penses? Elle était vieille, là, 255 ans, elle s'appellera pas... avec un nom récent. Mais... Non, c'est ça, ça prend... J'en cherche un, mais... Oui, c'est ça, 250 ans. Sûrement... C'est plus facile si ça serait des garçons. OK. Nap. Pour Napoléon. Napoléon. Il était plus cool. Nappy. Nappy. Nappy Happy Joy Joy. Nappy Turtle. Teddy Roosevelt. C'était un président des États-Unis, ça, Teddy Roosevelt, ce que je cherche. Bref, il a arrêté la boxe. C'est un grand fan de boxe parce qu'il trouvait ça absurde qu'un président arrive à la télé, mettons, ou tu sais, ben, peut-être pas, en tout cas, arrive dans les médias avec un œil au beurre noir ou un gros nez pété. Ah, ben, ouais. Quand même. L'image. En 1934, le football est passé d'un ballon en forme d'œuf, donc qui ressemblait à un ballon de rugby, à sa forme qu'il a présentement, donc c'est en 1934. Intéressant. Avec 150 000 bureaux de poste, l'Inde a le plus grand réseau postal du monde. Par contre, une lettre peut prendre jusqu'à 2 semaines pour faire 30 000 de distance. Wow. Pas très efficace. Non, il y a un petit problème. À quelque part. Un gars en Ohio a été arrêté 2 fois à la même heure. Pourquoi? On dirait que c'est des devinettes aujourd'hui, ma chronique. Pourquoi il serait fait arrêter 2 fois à la même heure pour avoir fait dodo sur un banc public? Non, ben, bravo. Non, c'était à cause de l'heure qu'on avance et qu'on recule. Daylight Savings Time. Ah oui, OK, la même journée à la même heure. La même heure. Et voilà. Pour la même affaire? Oui, j'imagine. Oui, ça le dit pas, mais je suis pas mal sûr que oui. 3 strikes au bowling, c'est quoi des strikes? C'est pas le Dallo. Pas le Dallo. C'est quand il te fait un abat? Paul Dallo, c'est-tu le frère de Paul Cadotte? Paul Dallo. Donc, 3 strikes au bowling de suite, ça s'appelle une dinde, une turkey, d'accord? Oh. Dans les années 1800, le premier à faire 3 strikes de suite gagnait une dinde gratuite. Ah, pour ça? Pour ça. Turkey! Seulement 4 équipes de la NFL ne sont jamais rendues jusqu'au Super Bowl. On parle des Cleveland Browns. Est-ce que tu avais d'autres... Est-ce que tu voulais deviner? Je suis pas un fan de football. Donc, les Cleveland Browns, les Detroit Lions, les Houston Texans et les Jacksonville Jaguars. Je trouve ça beau, moi, un nom comme Jacksonville Jaguars. 2G. Ça. 2G. Double G. Double G. Yo. Yeah! Yo. L'inventeur du biscuit aux brisures de chocolat a vendu l'idée à Nestlé Toll House. En retour, il a reçu, dans le fond, du chocolat à vie. Wow. Je serais heureux. Moi, tu sais, c'est ça. Des décadents. Pas besoin d'argent quand t'as du chocolat. Des décadents, c'est bon ça. Les décadents inversés, là, ça, avec le. C'est quoi ça? C'est qu'à la place d'avoir des pépites de chocolat blanc, le biscuit est blanc, puis le chocolat. C'est quoi? Ça existe? Il y en a. Je me rappelle pas c'est quoi la recette, mais c'est inversé. Décadents inversés. C'est pas un gros morceau de chocolat avec des morceaux de biscuits? Oui, c'est encore meilleur! Ça serait complètement fou. Ça existe-tu, ça, des barres de chocolat avec des morceaux de biscuits dedans? Peu importe, on est le 10 septembre, ouais. 7h44, uh-huh. Puis c'est nous qui avons eu l'idée. Voilà, brevet, fait qu'en échange, chocolat à vie. Au chocolat à vie. Ça ne pas trop demander. Django Unchained est la première fois en 16 ans que Leonardo DiCaprio n'a pas reçu le top billing, c'est-à-dire son nom en gros en haut de l'affiche. C'était évidemment Jamie Foxx dans ce film-là. Lorsque Jack Norworth, est-ce que ça dit quelque chose? Non. A écrit la chanson... Take me out to the ball. Ah, ben là, voilà. Il était jamais allé voir une partie de baseball. J'imagine d'où les paroles. C'est ça. C'est peut-être pour ça. Amène-moi voir une partie de balle. C'était moins bon en français, je trouvais. J'aime ça. Lorsque 3 personnes ont essayé de vendre les secrets de Coca-Cola à la compagnie Pepsi, Pepsi a informé Coke et le FBI. C'est fin, ça. Tu parles de compétition. Comment t'appelles ça? Bonne conduite sportive, là, comment on appelle ça? Ouais. Une bonne conduite sportive. Ben, il devait avoir des raisons. Peut-être qu'il s'attendait à si ça arrive le contraire. Probablement, mais c'est une question, tu sais. Je dis, faut be a good sport, you know. Ouais. Bon gagnant, bon perdant, puis etc. Bon, en tout cas. Mais aussi, peut-être que Pepsi, la recette est clairement meilleure, à mon avis. Donc, si quelqu'un vient essayer de vendre les secrets de Coca-Cola, t'en veux pas. Mais non. Tant que c'est rien à perdre, les rapporter. Peut-être qu'ils ont dit « Je t'offre 1 million pour la recette », puis ils ont dit « Je t'offre pas plus que 250 ». Ouais. Puis ils ont fait « Ah ben, tu vas voir ». Je te donne rien que du chocolat à vie. Oui, je te donne du coke à vie. Après que sa fermeture éclair est brisée, la vedette de Grease, Olivia Newton-John, a dû être cousue dans la robe qu'elle porte dans la scène du carnaval dans Grease. Ah ben, son zipper est brisé. Ça prendrait une voiture 258 jours pour faire le tour d'une des anneaux de Saturne. 258 jours. Ouais. Tu roules trip. Ben, c'est ça. Tu te packs un petit peu de chips, puis. Ouais, tu te packs. Okay. Tu pars. C'est ça. Vodka pour tout le monde. Portland, la ville de Portland en Oregon, a eu son nom à cause d'un lancer d'une piécette, une pièce de monnaie. Twink. Si t'es atterri de l'autre bord, la ville se serait nommée Boston en Oregon. Waouh. Quand même, mais chaque coup de chance, Portland, c'est beau. J'aime ça, mais je trouve ça joli, Portland. Oui. Boston. On s'est même pas rendu compte que t'es ennuyé. Non. Pas assez proche. Blanche-Neige de Disney avait 14 ans dans le conte original. Un autre? Hey, ça paraîtrait même pas, je le disais pas, je trouve ça drôle. Ariel et Aurora. Aurora, ça c'est la Aurora, belle au bois dormant. OK. Ah, je savais pas que ça s'appelait la capsule. Moi non plus. Elle a un nom. Elle avait 16 ans. Bon, c'est des vedettes très, très jeunes. C'était illégal. Illégal! Samuel L. Jackson a demandé à ce que le studio garde le nom Snakes on a Plane. Tu te rappelles le film où il y avait des serpents dans un avion? Oui. un avion, je pense. Bref, il voulait que Samuel L. Jackson voulait qu'on garde le titre. C'était la seule raison pour laquelle il a accepté le rôle. Mais le studio voulait changer de nom. Ouais. Ben, tu sais, quand t'es rendu là. Tu peux te le permettre. Ben oui. Des petites niaiseries de même, là. Toi, c'est quoi que t'as fait de plus cool dans ta vie? Ben, j'ai obligé un film à s'appeler Snake on Plane. Ouais! Vraiment, en plus. Porter des écouteurs pendant seulement une heure va augmenter les bactéries dans ton oreille de 700 fois. Ah! Qu'est-ce qu'on fait en studio pendant deux heures? Oui, en plus, t'as touché nos lèvres sur le micro qui touche à toutes les bouches de tous les animateurs. Puis que moi, j'éternue, je suis malade. Oui. Et tout le monde va avoir ton rhume éventuellement. Oui. Tous ceux qui mettent micro numéro 5 proche de leur bouche. C'est ça. C'est juste le bord de la fenêtre. Ouais. Et moi. Ensuite, Mary Gibbs, la voix de Boo dans Monsters, Inc., le film, était trop jeune pour s'asseoir et enregistrer ses répliques. Donc, ils l'ont suivi avec un micro. Donc, toute la journée, elle faisait ses répliques. Puis là, ça avait un micro dans les airs. Boo! Ben, c'est peut-être ça qui donne le charme de ça. Tellement, tellement. On devrait essayer ça. Oui, toute la journée. Toute la journée, on marche, puis on a des perchistes qui nous suivent. Si les gens pouvaient suivre la radio-réalité de ce qui se passe dans nos bureaux, ça serait malade. Et conne que ça ferait pas long feu. la girafe, à l'origine, s'appelait un caméléopard. Parce qu'au 14e siècle, les Romains pensaient que ça ressemblait à un mélange entre un chameau et un léopard. Caméléopard. C'est original. Pauvre petite bête. Tu sais, il n'y a pas le champ de maîtresse qu'on peut combiner des mots pour faire des affaires bizarres. Mmh. Ah, OK. Le jukebox. Ça, très bonne question. Jukebox, pourquoi juke? C'est quoi, c'est un juke? Juke. Juke. Jukeing me with that? Jukeing. Okay. Non, je ne sais pas. Ça vient du mot juke, J-O-O-K, qui est un terme slang afro-américain, donc noir aux États-Unis, qui veut dire danse. You kidding me with that? Fallait me boucher, Mathieu. Va donc ça, va donc. Je vais vous divertir pendant ce temps-là, moi. Hier, en fait, parlons de la date exacte. Donc, c'est le 6 septembre. C'était la journée nationale de Combattons la procrastination. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas fait le 6, mais bien le 10, parce que je le remets à plus tard. Pendant le premier Super Bowl en 1967, NBC était toujours en pause publicitaire quand le deuxième botté a eu lieu. Donc, les officiers ont demandé à Green Bay de reboter le ballon. C'est ça? Pourquoi pas? La deuxième moitié du Super Bowl en 2004 a été remise à plus tard parce qu'un homme déguisé en arbitre a couru, est arrivé sur le terrain, a enlevé ses vêtements jusqu'à temps qu'on voit seulement son G-string et a commencé à danser. Giorgio Armani, bonne chose ici, c'est rare qu'on parle positivement du monde du modeling, donc les top modèles. Giorgio Armani a banni les top modèles qui ont un body mass index, un index de masse corporelle de moins de 18, vu que, dans le fond, une de leurs top modèles a littéralement crevé de faim. Tu sais, quand on dit crevé de faim, elle est morte parce qu'elle mangeait pas. Donc, body mass index de moins de 18, Giorgio Armani n'en veut pas et j'adore cette idée-là. C'est super là. Ensuite de ça, toujours dans cet effet, en passant, c'est la collègue des choses véridiques, véritables et vérifiables. Allons-y avec un orang-outan qui s'appelle Fu Manchu. Il a essayé de s'échapper de sa cage au zoo plusieurs fois en utilisant une clé qu'il a fabriquée à partir de genre de fil de métal. Un orang-outan qui a fabriqué sa propre clé, quand même l'intelligence est clairement là. Les éléphants sont vraiment terrifiés des abeilles, ce n'est pas qu'un mythe. Donc, et en fait, ils ont même une vocalisation distincte pour dire « Enfuyez-vous, les abeilles sont fâchées ». Donc, les éléphants ont un son qu'ils font juste pour dire cette phrase-là. Rower, est-ce qu'on dirait? On dirait peut-être un kayakiste. En tout cas, bref, un gars qui rame, c'est ce que ça veut dire, aux Olympiques. Vyacheslav Ivanov a gagné la médaille d'or aux Olympiques de 1956 en truc que tu rames. Donc, il a échappé sa médaille dans le lac tellement il était excité et on l'a jamais retrouvé. Selon les animateurs, donc animateurs, ceux qui font les dessins animés là, du film, vous allez voir 6 millions... OK, on va se le dire tout de suite, là, mais son chiffre est mal fait, là, donc je sais pas comment le dire, mais c'est marqué 6 469 955 et il y a un 2 de trop à la fin. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais vous allez voir ce nombre de points noirs là à chaque fois que vous allez regarder le film « Les 101 Dalmatiens ». Mr. T, vraiment intéressant celui-là. Mr. T, ses chaînes en or qu'il porte dans son cou, il les a prises... Et vous allez trouver peut-être ça bizarre un peu, mais des gens qui le... Dans le fond, il était bouncer dans le temps. Et des fois, il devait sacrer du monde dehors. Et des fois, il leur enlevait leurs bijoux. Et il les portait sur son cou pour que les gens puissent revenir éventuellement les chercher. Donc, c'est vraiment un acte de bienfaisance. À place d'avoir une boîte objet perdu, c'était un coup objet perdu de Mr. T. Et bref, c'est pour ça que c'est resté sa marque de commerce jusqu'à aujourd'hui. Le lave-vaisselle. qu'on a dans notre cuisine a été inventée par la femme d'un politicien qui en avait assez que ses serviteurs brisent sa vaisselle chère dispendieuse. Tu sais, pas genre être tanné de faire la vaisselle, être tanné que ses serviteurs brisent sa vaisselle. Faut le faire. Les écureuils sont très, très gentils. Oui, on vient aux animaux ici et ils adoptent les orphelins s'ils remarquent que leur famille ne vient pas les chercher. Donc, les écureuils vont les prendre sous leur... Je sais pas qu'on peut pas dire leurs ailes, mais bref. Les universités japonaises font des funérailles pour les animaux qui meurent dans leurs tests de laboratoire. Nous dit-on. Quand même. L'idée de peindre, de peinturer ses ongles est originaire de Chine, cette idée-là, où la couleur de quelqu'un, des ongles de quelqu'un, indiquait leur rang social. Très intéressant. Encore une fois, pour les fans de fêtes obscures et en même temps les choses sucrées aussi, en date du 4 septembre dernier, c'était la journée manger un dessert additionnel. Dessert bonus. On l'a raté. À chaque année, c'est ça l'affaire, collègue. C'est un fait, on est tout le temps en retard de la radio. C'est pas Internet, c'est la radio. 87% de la population des États-Unis est uniquement identifiable, ou en fait, est identifiable pas uniquement dans le sens qu'on peut juste te trouver comme ça, mais plus uniquement, on va te trouver toi personnellement. Si on a ton code postal, ta date de naissance et ton genre, donc masculin, féminin, c'est quand même intéressant, 87%. Pour empêcher de se faire photographier, Marilyn Manson écrit « Fuck you » sur son visage avant de sortir pour que les paparazzi ne puissent pas publier ses photos. D'après moi, un petit coup de flou, un petit coup de Photoshop, ça paraîtra pas. Les lunettes de soleil datent du 15e siècle en Chine, où elles étaient portées. Attention, vraiment, un autre fait fascinant à mon avis. C'était en Chine, donc au 15e siècle, où les juges les portaient pour cacher leur expression faciale lorsqu'ils présidaient en cour. Non? C'est pas génial, ça, comme fait? Moi, en tout cas, je vais le retenir, celui-là. Emilio Marco Palma était la première personne à être née en Antarctique en 1978. Très récent. Et finalement, le plus petit mammifère terrestre est le pygmy shrew, qui pèse moins de 2 trombones. Et là, je dois aller voir une photo et vous ferez la même chose. Pygmy, c'est P-Y-G-M-Y et shrew, S-H-R-E-W. Voilà. Oh, j'ai oublié! On le voit dans la main de quelqu'un, là, ça... C'est comme un petit animal poilu, mais qui est de la grosseur d'une bébête qui va venir te piquer, te déranger dehors. Donc voilà pour C'est un fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On a un gros dossier ici. Est-ce que vous êtes quelqu'un de toujours en retard, hein? Eh bien, si c'est le cas, ben c'est peut-être une maladie, donc peut-être arrêtez de vous sentir coupable. Parce que, tu sais, c'est à un moment donné, quand c'est une maladie, tu peux pas vraiment la contrôler. Jim Dunbar, je vous parle de ça. Donc, Jim Dunbar est un Écossais de 57 ans qui a toujours expliqué aux gens que ce n'était pas de sa faute s'il n'était jamais à l'heure. Mais personne ne l'a jamais pris au sérieux. Depuis qu'il a 5 ans, impossible d'arriver à l'heure à l'école, ses matchs de football et même de se pointer à temps pour attraper son train lors de ses départs en vacances. Hein? Donc, en tant qu'adulte, il a laissé les femmes l'attendre un long moment et ses premiers rendez-vous. Eh bien, il en a perdu. Il a perdu aussi plusieurs emplois. Il est arrivé un nombre incalculable de fois en retard, à des dîners, au restaurant ou autre. Et même arrivé en retard à des funérailles, bien qu'elles aient été... Et même arrivé à des funérailles, oui, en retard. Bien qu'elles avaient débuté, il est arrivé après. Hein? Récemment, Jim a essayé de regarder un film au cinéma local à Forfar, en Écosse, et connaissait sa tendance à arriver en retard. Il a pris le taureau par les cornes afin de ne pas le rater. Eh bien, il s'est octroyé une avance de 11 heures avant de voir ce film. Dunbar savait que ce film commençait à 7 heures, mais malgré tous ses efforts, il est arrivé avec 20 minutes de retard. Après être passé par d'innombrables expériences similaires, il a finalement décidé de parler à un médecin de son handicap. Il était une demi-heure en retard pour son rendez-vous dans l'hôpital de Ninewell, mais il a finalement obtenu une réponse à la question qui lui pourrit la vie. Pourquoi je ne peux pas être à l'heure? Donc ça, c'est quand même pas mal problématique, là, rendu là. Là hein? Quand tu arrives en retard à ton rendez-vous pour voir si tu vas être avec ton médecin, pour voir pourquoi tu es en retard, hein? Après avoir effectué une batterie de tests, eh bien, les experts médicaux ont remarqué que son retard constant est causé par un trouble cérébral. Ils ont appris que son état de santé influe sur la même partie du cerveau que le TDAH, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, le rendant incapable d'estimer de combien de temps prennent les choses. Malheureusement, c'est incurable et peu importe à quel point Jim tente d'être ponctuel, cela ne changera pas. Il a essayé des tonnes de montres-bracelets, mettre son réveil à pleine puissance, bien en avance, mais en vain. C'est vraiment déprimant parfois, a-t-il déclaré. La raison pour laquelle je veux faire parler de ce trouble, c'est qu'il doit y avoir d'autres gens là-bas avec le même problème que moi. Ils ne réalisent pas que ce n'est même pas de leur faute. Hein? Donc, peut-être que si vous êtes toujours en retard, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Hein? Et de l'hyperactivité. Un petit trouble mental, mais pas grave, mais c'est grave quand même. On va rester dans les troubles. Celui-là, moi, je le trouve plus grave un peu. Oui, il y en a qui pourraient dire c'est sexy, c'est beau. Il y a des limites à tout. Là. Il y a des limites, vraiment. C'est en vidéo, c'est sur la page Facebook du Nez de Con. C'est le tight gap. Savez-vous c'est quoi le tight gap? Eh bien oui, c'est le nouveau phénomène. Ça fait déjà longtemps, mais c'est l'écart là, entre les cuisses d'une femme, tu sais, à la hauteur de son sexe, en dessous de son sexe. L'écart entre les cuisses, c'est le tight gap. Donc, ça nous dit que c'est de c'est à la mode d'avoir un gros tight gap. C'est un phénomène inquiétant qui apparaît sur tous les forums et les réseaux sociaux. Tout se résume en une simple expression, le tight gap. Il s'agit d'avoir un écart entre les cuisses le plus important que possible. Une tendance qui séduit certaines jeunes Françaises et autres jeunes femmes sur la planète. Et tu vois, il y a une fille qui dit « Ah, moi, je trouve ça beau de l'avoir », raconte une adolescente. L'autre, elle dit « Je trouve ça joli, je ne l'ai pas, mais c'est mon but de l'avoir. C'est un peu comme mon idéal », explique une autre, etc. Ouf! Faut vraiment être en état de privation, comme l'explique Grégory Lassus-Débat, directeur de la publication du magazine Cosette. Et il reproche à la presse féminine et au monde de la mode de ne pas en dire la vérité. Les photos sont extrêmement retouchées. Tant qu'on ne signale pas dans les pages « Attention à cette photo est retouchée, cette femme n'existe pas et cette morpholie n'existe pas dans la vraie vie », il y aura toujours des jeunes femmes pour essayer d'atteindre ces modèles qui n'existent pas, justement. Donc, le professeur de médecine nous dit... Et spécialiste de l'adolescence, il appelle aux parents à la vigilance. Pour se creuser entre les cuisses, il faut perdre de 20 à 25 kilos et donc beaucoup de masse musculaire. Il faut vraiment être en état de privation. Il rappelle que l'anorexie mentale est une vraie maladie. Allez voir la vidéo, c'est peu ragoûtant. C'est peu ragoûtant. Et puis, tiens, on va s'en faire une petite dernière. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. C'était la cigogne espionne qui a passé pour un drone. Là. Eh bien, elle a été mangée. Hein? Après avoir été innocentée par des vétérinaires qui avaient assuré les autorités que le dispositif électronique fixé sur son dos n'était pas du matériel d'espionnage, mais plutôt une simple balise fixée par des chercheurs français pour suivre à la trace l'animal. La cigogne avait été remise en liberté dans une zone protégée du sud du pays. En Égypte. Mais très vite, le volatile s'est envolé sur une île du Nil. Et c'est là qu'on a appris plusieurs jours plus tard que la cigogne avait été mangée. Hein? et ceux qui s'étonneraient de ça, eh bien, c'est que faut pas s'inquiéter de ça. C'est que la cigogne fait partie du régime alimentaire de la région depuis plusieurs milliers d'années en Égypte. Mais bon, c'est un peu spécial par contre. Il est arrivé beaucoup de choses. Si elle n'était pas morte, elle aurait pu en raconter, cette cigogne. Sur ce, eh bien, on va-tu en musique? Non, on va aller, oui. On va aller en musique, mais d'abord, on va aller parler de Elvis Presley et de Mick Jagger. Eh bien, oui, en ce moment, le biopic est très tendance, hein, les biographies, finalement. On a eu Jobs qui vient de sortir. Eh bien, là, c'est Mick Jagger qui a... Mick Jagger, ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne sont pas sur cette planète depuis plusieurs années, chanteur, bien sûr, des Rolling Stones, qui nous dit qu'il va faire ressusciter le King. Un film biographique sur Elvis intitulé Last Train to Memphis est en projet avec le chef d'orchestre Kevin MacDonald. Donc, OK. Sinon, eh bien, avant de se comparer à Jésus, John Lennon, affirmera « Avant Elvis, il n'y avait rien ». Mick Jagger, lui, de surenchérir, mais personne, mais alors personne ne sera jamais à sa hauteur. Elvis est suprême. Elvis a occupé pendant plus de 30 ans la première place du classement de Forbes des artistes, toutes disciplines confondues, qui rapportent et gagnent le plus après leur mort. Renvoyé à la seconde place par Michael Jackson, il aura vendu plus d'un milliard de disques, dont 700 000 albums de son vivant. Dans une interview donnée en 2012, la fille d'Elvis, Lisa Marie Presley, avait confié être déçue par l'ensemble des représentations dont son père fait l'objet. Désormais, ça peut être changé. Après Elvis, une étoile est née qui était sortie en 2006 et passé plutôt inaperçu et qui était cheap. La facture était très cheap. Le studio Fox 2000, sous l'impulsion de Mick Jagger, vient de lancer un projet sur la vie du King. Donc, inspiré de la biographie de Peter Kuralnik de 95, Last Train to Memphis. Donc, sur la base de ce livre, le film va explorer la véritable passion d'Elvis pour la musique, du blues au gospel, de Bing Crosby à Mario Lanza, à la fois mystique qu'Elvis avait dans la musique ainsi qu'à la place primordiale, de sa famille dans sa vie. Kevin McDonough, le réalisateur du film oscarisé Le Dernier Roi d'Écosse, revient pour réaliser ce biopic après son documentaire sur Bob Marley qui s'intitule Marley, sorti en 2012. Et les studios McDonough et le producteur Sir Mick Jagger n'ont pas encore trouvé celui qui prêtera son thème et donnera un nouveau visage au King. Avis aux intéressés, un site internet vient d'être lancé par la production où chaque acteur entre 18 et 22 ans pourra soumettre une cassette d'audition. Une cassette, hein? Le site web Casting représente aussi en même temps la description officielle du film Last Train to Memphis et se focalise sur les premières années d'Elvis, ses enregistrements à la Sun Records et son ascension fulgurante sur la scène nationale en 1956. Ces années furent les témoins privilégiés d'un bouleversement culturel en grande partie provoqué par la musique du King de Elvis. Moi, en tout cas, j'ai été bercé par la musique du King par toute ma jeunesse. Mon père adorait Elvis. Et puis, on peut pas passer à côté de ça. Moi, j'aime bien Elvis aussi. Mais là, on n'ira pas écouter Elvis. On va aller écouter du Mick Jagger, du Rolling Stone, avec la pièce, Citadel. Je pense qu'on va y aller avec elle. Oui, on va y aller avec Citadel, qui est tiré de l'album Satanic Majesty Request. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. J'espère que vous allez apprécier. Yeah. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Se lever le matin, là, en parlant de sexe à la radio. Ça, y a pas de meilleur job que ça. Hein? Donc voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique sœur de C'est un fait, donc la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, version pour un public plus ou moins averti. Donc on va essayer de vous garder ça le plus propre possible pour votre petit matin qui commence. Le mois de septembre, savez-vous que c'est le mois national de faites plaisir à votre partenaire? Pleasure Your Mate Month. C'est cute quand même. Je trouve ça bien. Ensuite de ça, pour 13$, tu peux acheter un gel de raffermissement vaginal qui s'appelle 18 Again, donc 18 ans de nouveau. Pour 13$, ça va raffermer votre... pour avoir l'impression que de dévierger. C'est fun, super. L'actrice de porno, Houston, a fait trancher sa lèvre, disons, inférieure de milieu de corps. Là, et l'a vendu aux enchères pour, en fait, les restants, ce qui a été coupé, pour 50 000 $. Quand même. Au Minnesota, c'est illégal pour un homme d'avoir des relations sexuelles avec un poisson vivant. Rien de moins, rien de plus. Les orgasmes sexuels peuvent souvent déclencher ce qu'on appelle un near-death experience, donc l'expérience, dans le fond, de passer proche de la mort. Ça fait que tu as l'impression de quitter ton corps physique pendant l'orgasme sexuel. Tant mieux si ça vous arrive. Un type de préliminaire avant de copuler ou de s'accoupler, si on veut, donc la femelle de la girafe va uriner dans la bouche du mâle. Hein? Délicieux. Bon appétit. Pendant le Moyen-Âge, l'Église tolérait la prostitution parce que ça aidait à prévenir le viol, la sodomie et la masturbation. Les temps ont changé. La luptaphobie. Qu'est-ce que c'est, je vous le demande, vous, à la maison, toi, t'as bien compris, toi, comme on dit dans la pub. Donc, la luptaphobie décrit une personne qui pense ou encore a peur de finir seule, de toujours être seule pendant toute sa vie. C'est un petit peu énormément triste et pathétique. La philophobie. Et pathétique dans le sens que c'est plate pour vous autres, là, pas dans le sens que c'est changé. pensez à autre chose. La philophobie, c'est la peur d'être ou de tomber en amour. Un peu le contraire, finalement, de la nupto patente. L'hypopituitarisme. Hypopituitarisme, c'est une maladie rare qui empêche la personne d'aimer. Dans le fond, j'imagine que c'est dans tes glandes, parce que glande, ça me semble que c'est les mêmes syllabes que la glande patente. Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, une maladie rare qui fait que tu ne peux pas aimer. Dans le fond, tomber en amour, c'est biologique et c'est primitif, un peu comme la faim et le sexe. C'est dans la même catégorie, c'est considéré comme ça. Il y avait 13 couples de nouveaux mariés qui célébraient leur lune de miel sur le Titanic quand il a coulé. 13 couples de nouveaux mariés. Environ 90% des femmes disent que se coller au lit, dormir en cuillère, etc., s'endormir ensuite, c'est la meilleure chose dans une relation. Finalement, au-delà du sexe et de n'importe quoi d'autre, s'endormir avec l'autre personne, c'est 90% des femmes qui disent que c'est ça, le sommet, le number one. 48% des nouveaux parents disent qu'ils préfèrent dormir versus avoir des relations sexuelles. Pas surprenant, tu dors pas bien ben quand t'es un nouveau parent, donc je peux comprendre. Je peux pas le comprendre parce que j'ai pas vécu, mais j'imagine. Les hommes qui ont... et là, faites le test à la maison, pas si vous êtes en voiture en passant. Si vous êtes un homme, premièrement, déjà, ça, faites le test en touchant votre entrejambe. Donc, si vous avez l'index plus court que le doigt où on met la bague, là, donc ça, c'est l'annuaire. L'annuaire. Bref, si vous avez l'index plus court que ça, vous allez avoir potentiellement, c'est ce qu'on nous dit, un plus gros engin. L'index est plus court que le doigt où on met la bague. C'est que l'engin est plus gros. Les chances que le sperme de ton père ait rencontré l'œuf de ta mère sont 1 sur 400 quadrillions. Aïe, aïe. Donc, considérez-vous chanceux d'être vivant. Hein? C'est la journée anti-suicide, je pense, récemment. Ça a du sens. Hein? La méthode de se retirer, tu sais, la contraception, il y en a qui utilisent la méthode pull-out, c'est se retirer avant de... faire le travail, finalement. C'est 1% moins efficace qu'utiliser un condom. Donc, c'est très, très proche. quand même. Tu sais, les condoms, c'est quoi, 97 quelque chose pour 98? Donc, c'est pas à 100% sécuritaire, si on veut. Donc, là, c'était quand même court comme King Sexy Time. C'est rare qu'une chronique dure moins de 5 minutes. En fait, c'est rare que je dure moins de 5 minutes en général. toujours assemblage requis, il est 7h41. Et puis, on va retourner en musique tout de suite avec du francophone un peu. On écoute, Colin, une pièce qui va fonctionner avec la chronique qu'on vient tout juste de faire. Voici les Sœurs Boulées et ôte-moi mon linge. Ouh! 89 FM. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est fou! Oh, oh, oh, oh, oh. La déprime tire du gomme, la lune me donne 56 bonnes raisons de chialer. Ça va prendre plus qu'un galon blanc cassé pour tenir la porte de la cuisine. Le poids et la gaz est à full pin. Il fait chaud dans le camp. Y'a rien à faire, j'dors en cuillère avec des ice packs de camping. J'pratique ma vie pour le reste de mes jours. Je calcule les heures que j'ai en moins. Je compte les filles qui t'ont fait l'amour. Puis je manque de doigts. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moi mon linge. Beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. T'es où, dis-moi, tu reviens quand j'ai l'air d'un brise-glace dans le désert. Y'a tout ce qu'il faut ici pour rien vouloir. J'te jure que j'suis pas chargée à blanc. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'attends? J'suis pas une conne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moi mon linge. Beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. J'ai lu ta note sur le frigidaire. Bébé, je t'aime. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, moi mon linge. Beau sans dessin, mais maudit beau sans dessin. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous invite à visiter la page Facebook du Dîner de con parce qu'il y a une série d'une cinquantaine, il y en a 48 pour être plus précis, de pubs qui sont mais vraiment décalés. On donne le top 48 des vieilles pubs nauséabondes qui feraient scandale aujourd'hui. C'est des pubs qui sont remplies de sexisme, c'est hallucinant. Une annonce genre de... de café Chase and Sanborn. Et puis, on a l'homme qui donne la fessée à sa femme. On a une annonce de tapis aussi. L'homme qui met le pied sur la tête de sa femme comme si c'était une descente de lit, là, comme une peau d'ours ou une peau de tigre. OK. Qu'est-ce qu'il y a aussi? So harder wife. OK. Les plus drôles. On a toujours la femme qui est à genoux devant l'homme. Là, et puis, ah, il y en a une qui est hot. Il est écrit... It's always illegal to kill a woman. Il pose la question, c'est encore illégal de tuer une femme? Et là, c'est comme... c'était une pub de quoi, ça? Postage meter, donc un truc pour les postes. OK. Sinon, une annonce de cigarette. Il y en a beaucoup, les annonces de cigarette. C'est « Blow in her face and she's follow you anyway ». Donc, garochis ta boucane dans la face, puis elle va te suivre partout. Hein? C'est une très, très bonne idée. C'était la compagnie Tipalette. Sinon, vraiment, les femmes sont vraiment démontrées de comme des connasses, comme des vraiment des nounuches qui suivent ce que le mari leur dit de faire. Comme là, un moment donné, il y a une femme, une annonce pour un malaxeur là, pour la cuisine. Eh bien, il est écrit le chef peut tout faire sauf cuisiner. Fait que, qu'est-ce que la femme va faire d'autre? Hein? C'est la cuisine. Tu sais, c'est comme vraiment le ideal gift for all occasions. C'est le bonhomme qui amène les chaudrons puis des pots pour faire des conserves à sa femme. C'est le cadeau idéal, vous comprenez? C'est clair. Celles qui sont drôles aussi, c'est vraiment celles de cigarettes. Je vous parlais tantôt. Ah oui, une nouvelle bouteille de ketchup, genre, il est écrit « Hey, même les femmes sont rendues capables de l'ouvrir. » Parce qu'il y a un nouveau bouchon, une nouvelle façon d'ouvrir la canne. Ici... OK, une annonce de Volkswagen, il dit « Tôt ou tard, votre femme va prendre la route et puis va faire un accident, dans le fond. » Puis là, tu vois une Volkswagen qui est maganée. Et puis, donc, ça vous dise de prendre une Volkswagen parce que de toute façon, un moment donné, on va faire un accident. Fait que t'es toujours de prendre un char qui va résister à l'accident. Comprenez? C'est tout le temps des trucs du genre. C'est hallucinant. Men are better than women. Donc, si tu vois des hommes qui font d'escalade puis qui laissent la femme en arrière puis eux autres, ils marchent quasiment dessus. Là, c'est comme hallucinant. Oh, celle-là, c'est ouf. La nouvelle... le titre, vous allez voir, ça s'appelle... Une femme, une pipe et un poule. Donc, tu vois un couple avec un enfant. Tout le monde est tout nu, sauf le bonhomme qui, lui, a une pipe dans les mains. Sa femme est nue devant lui, assis, et son garçon. Et puis, on sait pas trop c'est quoi. C'est pour l'homme... je pense, ça, d'après moi, c'est une revue style Playboy ou lui. Une revue pour hommes, en tout cas. Une revue ici de tabac. C'est un bébé qui annonce les Marlboro et puis qui dit... c'est le bébé, dans le fond, qui dit dans un phylactère à sa mère de fumer des Marlboro, c'est mieux pour la santé. Une annonce de Camel qui dit que la plupart des docteurs et les scientifiques fument des Camel plus que toute autre cigarette. Donc, c'est la façon. Une pub de Lucky Strike, c'est le Père Noël lui-même qui fume une bonne Lucky Strike. Pourquoi pas? Une autre ici, c'est de Camel. C'est le Père Noël qui offre un cartoon de cigarettes. C'est magnifique. Ça continue comme ça, là. Je vous le dis. Ah, ça, c'est un autre ici. C'est More Scientists and Educators Smoke Can't with Micro-Night Filter. Donc, c'est plus scientifique et d'éducateurs, des professeurs fument la marque Kent parce qu'il y a un filtre en micro-nit. Donc, c'est la toute nouvelle chose, là. C'est le best. L'autre, c'est encore la plupart des docteurs fument des Camel. Ah, celle-là, la bière est nourrissante. C'est une femme. Seins nus, avec les seins là, très gorgés qui pointent vers le haut, mais vraiment une maman, là, tu sais, bien en chair. Et puis, elle boit de la bière, sourire, bébé, la bouche sur le sein, il boit, il est heureux. L'autre femme, le sein plus mou, le bébé refuse le sein de la mère, la femme a l'air dépressive, et puis le bébé veut même pas boire, donc la bière est nourrissante, c'est ce que ça prend pour faire plaisir à bébé, et puis le saouler un petit peu. Une qui est drôle ici, ne prenez jamais la route aussitôt après un bon repas sans un petit verre de Cointreau. Donc, ils disent pas de prendre la route, pas quand t'as bu, ils disent pas de prendre la route sans avoir bu. Parce que tu peux pas prendre la route, finir ton repas de même, puis t'es plein, ça te prend un petit Cointreau pour digérer. C'est bien entendu. Sinon, Les cheminots qui ont besoin de tout leur esprit ont immédiatement adopté le Ricard. Ricard sur toute la ligne à la Marseillaise, le vrai pastis de Marseille. Donc, les cheminots, ceux qui conduisent nos trains, ben eux, ils boivent absolument du Ricard et puis sont bien pactés. C'est hallucinant. Ah, celle-là, c'est raciste, hein? We are going to use Lorinol and be like the white nigger. Aïe, aïe, c'est des petits noirs. Là, c'est, excusez, là, c'est vraiment une pub de Chlorinol, okay, qui est un soda pour blanchir, un genre de javelisant. Et puis, c'est trois petits noirs. Il y en a un qui est blanc et puis ça lave leur noirceur de peau. Vous avez bien compris, il n'y a que Chlorinol qui peut nous faire ressembler à des nègres blancs. C'est atroce, je vous le dis, ça peut pas être plus raciste. OK. Ah, ici, là, ici, il y a un autre pub qui dit 4 hommes sur 5 veulent aller à Oxford. Et puis, devinez lequel ne veut pas. Puis là, ben, il y a un noir dans la gang. Mais ça finit plus, là. C'est comme ça. Il y a des petites pubs. Je vais en mettre. Ben, elles sont déjà sur le site de cefou.ca, de facebook.com. Slash le dîner de con, mais il y en a qui marquent vraiment trop, là. Il y en a une, c'est une petite fille, un bébé qui est écrit Love baby soft because innocent is sexier than you think. L'innocence est plus sexy qu'on pense. Et puis c'est une petite fille à moitié tout nue. En tout cas, ça vaut vraiment la peine. Un autre, c'est un bébé qui fait une annonce de des rasoirs Gillette. Il n'y a pas de danger de se faire mal. L'autre, c'est on mange. Hey, celle-là, c'est débile. C'est un cochon, okay, qui se coupe lui-même. Le saucisson d'Auvergne. Il se fend en deux. Et puis, tu sais, il y a la chair qui sort, là. Et il dit on mange avec plaisir et sans fatigue. Pureté alimentaire absolue. Les bons saucissons du cochon prodigue. Fait que le cochon prodigue se coupe des tranches lui-même de lui-même. C'est assez particulier. Et puis, on a une annonce de Mattel qui nous lance le nouveau Mattel M16 Marauder. If you think this gun look great, if you... OK. Fait que si tu trouves qu'il look great, attends de l'entendre, il sonne comme un vrai. Fait que ça finit plus comme ça, là. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir ça. C'est extraordinaire. Vraiment, là, c'est des pubs un peu décalées, comme on pourrait dire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cefou.ca. Assemblage requis. Je suis très heureux de recevoir quelqu'un, une fêtée. Eh oui! C'est la fête de Véronique Mire, bonne fête! Merci beaucoup! Ah, d'habitude, quand c'est la fête de quelqu'un en onde, on chante en équipe une chanson de bonne fête. Là, je me sentirais un petit peu plate. Là. Ah. Ben, je vais me l'imaginer. Bonne si. Fête! Bonne fête! Ha! Bonne fête à Véronique! Hey, ça valait cher, ben, ça. Voilà. Quelle chance j'ai. Voilà. J'essaie de ne pas violer de copyright en chantant pas la même mélodie que Happy Birthday! C'est comme ça. Donc, Véronique Mire, c'est la chronique Véronictionnaire. Mm-hmm. Et ça fait depuis la fin de l'été qu'on n'a pas fait ça. Eh oui, ça fait un bon mois, je crois, que je suis pas venue. Ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est la lettre P. On l'a fait P. en deux parties. Oh oui, c'était une grosse lettre P. C'était palpitant. Ah oui, passionnant. Ça m'a donné des papillons. Périlleux. Wow! Là, on est à la lettre O. Oh. Et ça va être ô combien intéressant. Oh oui, mais c'est une petite lettre, la lettre O. Donc, les lettres de l'alphabet nous donnent des surprises, je dirais. Je me disais, plus on va reculer, pire ça va être. Mais là, ça va bien pour cette semaine. Donc, j'ai commencé à vous parler d'ongles. Ongles? Des ongles. Eh oui, donc plutôt du côté biologique de la chose. Alors, un côté scientifique, on pourrait dire, un ongle est aussi appelé un fanaire terminal kératinisé. C'est ce que je dis tout le temps. Je m'en vais me couper les fenêtres. Les fenêtres. Les windows et. Ah oui! Kératinisé. Ben, en fait, c'est parce que les ongles, c'est fait avec de la kératine. Donc, quand on découpe ça, c'est pas si scientifique là, comme. comme mot. Puis c'est l'homologue de la griffe ou du sabot. Hein? Donc, pour l'homme ou aussi chez les primates, on parle aussi d'ongles. Ben, c'est pour ça qu'on dit souvent, et j'imagine que peut-être que je te coupe un peu là-dessus, mais quand tu coupes l'ongle au chat, tu coupes trop loin, tu coupes comme son doigt, là, c'est comme nous autres. T'sais. Faut juste, faire attention. Tu coupes juste le bout de l'ongle. Mm-hmm. Ouais. Ah oui, parce que si on coupait trop loin, ça ferait vraiment mal. Les parties de l'ongle, donc vous avez la matrice, ça c'est la matrice, mais pas la matrice à la Keanu Reeves, attention. Non, puis pas les fans non plus, la matrice de quelque chose, donc c'est matrice. Non, non. La matrice, c'est la base, c'est de là où l'ongle pousse. Ensuite, vous avez l'éponychium ou le cuticule, donc qu'on confond souvent avec les petits coins là, aux côtés de l'ongle. Le cuticule, c'est vraiment la base. La petite peau là, que les manucures vont nous repousser. Tu repousses un peu, oui. Oui, il faut faire attention quand vous faites ça en passant d'avoir vraiment soit pris une douche ou avoir trempé vos mains dans l'eau. Parce que si vous les poussez trop fort, trop rapidement, vous pouvez passer tout droit et ça te déchire. Donc... non, sérieusement, ça, j'imagine ça et ça fait mal. Oui, hein? On va passer. Passons. par contre, les petites peaux là, ou les petits reculons, je ne sais pas toi si tu appelles ça de même, des petits reculons. Sur les côtés, fois, là, ça pousse. Le stress fait ça. Le stress ou quand tu es fatigué, on dirait qu'ils sortent tout en même temps. Mm-hmm. Hein? Puis là, tu t'accroches partout avec ça. Ah. Ça s'appelle des paronychium. OK. Paronychium. Des paros. On va appeler ça des paros. Paros, voilà. Shorten it. Hyponychium, ça, c'est sous l'extrémité de l'ongle. L'ongle en tant que tel qui est fait de kératine, comme je l'ai dit. Le lit de l'ongle, ce qui est sous l'ongle. Et la lunule. Donc, qu'est-ce que ce serait la lunule, à ton avis? Si tu regardes tes ongles, là, ça te donne une bonne idée, là. Quelque chose qui a... Juste le blanc en haut. Ah, c'est juste le blanc en bas, en fait. Ah, maudit. Maudit. Je t'approche, hein. J'ai regardé pour c'est la suite. L'autre. Je sais pas proche, c'est à l'opposé. Oui, ben, quand même, mais bon, la forme de la lune. Mais c'est vrai, on voit des petits ronds, mais pas sur tous les ongles. Dans mon cas, j'en ai pas sur l'annulaire. Oui, celui... C'est ça, mais j'en ai sur les ongles. Complètement... drôle. Je reste à de vernis ongles de ma blonde. De aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et oui. Donc, la lunule. Alors, c'était le côté un peu plus scientifique. En fait, si vous perdez tous vos ongles, ça va vous prendre 3 à 6 mois avant qu'ils se reforment, à moins que vous les ayez eu arrachés. Par exemple, si vous faisiez kidnapper là, par un organisme obscur qui vous aurait torturé. Trafic parce humain, que c'est une forme de torture assez fréquente d'arracher les ongles. Et ça, si les arraches, ça ne repousse pas. Si tu les arraches complètement, ça ne devrait pas repousser. Okay. Mais bon, si ça ne casse pas en chemin. Là, okay. Ah, le matin. Ah, ça va bien, ça commence bien. Puis, les ongles poussent de 2 à 4 mm par mois. Okay. Les ongles de main. Les ongles de pied poussent de... En fait, ça prend 12 à 18 mois, pour les ongles de pied à se reformer. Donc c'est quoi, 4 fois plus long pour les pieds? Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Donc, puis aussi, les lignes qu'on a sur les ongles sont une preuve de notre passé médical si on a eu des maladies X ou quelque chose. C'est vrai, ça. Puis ces petites lignes-là, ça s'appelle les lignes de beau. Comme beau, être beau. Ah, est-ce que tu peux lire ton avenir là-dedans? Tu peux lire ton historique de santé, okay. En tout cas. Ben, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de clairvoyant qui regarde les lignes des ongles. Non, il n'y en a pas. On dit que l'ongle a une dureté de 2,2 sur l'échelle de Mohs. Donc ça, c'est l'échelle qui sert à mesurer les minéraux. Donc, situé un peu entre le gypse que l'ongle peut rayer et le calcite. Bon, pour ceux que ça intéresse, donc, petite information anodine. Et puis, voilà. Alors, maintenant, un sujet totalement différent et non dégueulasse, les Oscars. Ah, ben oui, ça, c'est doré. Mon côté cinéphile, fallait bien qu'il ressorte à quelque part. Donc, les Oscars qui existent depuis 1929 à Los Angeles, qui récompense toutes les créations cinématographiques. C'est l'Academy of Motion Pictures and Art. Art and Science, qui donne les récompenses. Donc, Academy of Motion Picture Arts and Science. Rien à voir avec les lettres Oscar en passant. Non, rien du tout. Selon les règles 2 et 3 du règlement des Oscars, le film doit être sorti entre le 1er janvier et le 31 décembre et avoir une durée minimale de 40 minutes pour pouvoir être nominé. Ah, OK. Sauf les courts-métrages, évidemment. Que leur propre catégorie. C'est ça, okay. Exactement. La critique qu'on entend souvent, c'est que souvent, il va y avoir les mêmes films qui vont être nominés ou qui vont recevoir des prix. Donc, souvent, ceux qui accordent les prix vont capoter sur un film, puis c'est celui-là qui va gagner beaucoup. Ouais. Donc, c'est une critique qui ressort beaucoup. La petite statuette, qui est en fait un chevalier sur un socle, debout sur une bobine avec une épée dans ses mains, est faite en britannium. Donc, c'est pas de l'or, le prix. C'est pas de l'or, c'est plaqué d'or. Ouais. Mais ça vaut quand même 850 $ chacun. C'est pas si mal. Et sur eBay encore plus. Oui, ben, je pensais que ça aurait valu même plus cher que ça. Puis ça prend quand même 10 heures faire une statuette. OK, sont faites à la main? Ou? Faites à la main. Wow! Donc, c'est quand même très long. Pendant la Seconde Guerre, par exemple, où on avait la réquisition des métaux pour faire l'effort de guerre, les Oscars étaient faits en plâtre peint. Pain doré! Ah. Oh là là! Du pain doré, wow! Mais bon, ils ont donné aux Oscarisés, puis ensuite leur ont donné les vraies statuettes. Mais pendant la Deuxième Guerre, il n'y avait pas d'Oscar en Britannium plaqué d'or. En fait, le nom Oscar, au départ, c'était pas appelé ainsi. On donnait pas un Oscar, on donnait un Academy Awards. Ouais. Donc, c'est souvent pour ça qu'on confond. C'est quoi un Academy Awards? C'est un Oscar. Souvent, sur des couvertures de DVD, ça va être un Academy Awards parce qu'officiellement, c'est le nom du prix. C'est ça. Ça, okay. C'est le vrai nom. L'Oscar, c'est son surnom depuis 1934. Donc, il y a deux hypothèses à ce sujet-là. C'est soit un membre de l'Academy, Madame Margaret Herrick, qui trouvait que Oscar ressemblait à son oncle, appelé Oscar aussi, ou encore Betty Davis, dont le mari, Oscar Armand Nelson, ressemblait à la statuette également. Ah, donc, deux hommes qui ressemblaient à Oscar. Puis, tu as parlé de eBay, hein, peut-être qu'ils vendaient plus cher ou moins cher, mais en fait, les gagnants des Oscars doivent signer le Winner's Agreement. Ouais. Puis, ils n'ont pas le droit de vendre leur Oscar avant de l'avoir proposé à l'Académie pour la somme symbolique de 1$. Donc, l'Académie peut dire, oui, OK, on va le prendre pour 1$. Je pense qu'ils le prennent. D'après moi, ils ne doivent pas le laisser passer. C'est une bonne idée comme règle. C'est comme très, très contourné. Tu as le droit de le vendre si on te dit oui. Ce qui n'arrivera jamais. Mais c'est quand même contrôlé. Oui, c'est le fait. Hey, c'est control freak, ça! Ils font bien, là. Mais bon, j'ai rien contre vous, là, Academy of Motion Picture. Non, et on remercie l'Académie. Comme tous les gagnants aux Oscars. Oui. Oh là là! Alors, au départ aussi, c'était sous forme de banquet. Et puis, c'était pas fait pour durer. La cérémonie avait duré. La première avait duré seulement 10 minutes. Puis, il y avait 270 personnes d'invités. Donc, ça a vraiment pris des proportions énormes. Bon, on sait, là, c'est sûr qu'avec toute. Le glamour et tout d'Hollywood par la suite. Au niveau des nominations les plus marquantes, donc le plus grand nombre d'Oscars remportés par un seul film est de 11. Il y a trois films qui ont remporté ça. Le premier en 1960 était Ben-Hur. Le deuxième en 98, si je te dis « Je suis le maître du monde ». Titanic, exactement. Mmh. Et en 2004, donc si je te parle de Legolas, Bilbo, Gollum... Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, plus particulièrement Le Retour du Roi. Donc ces trois films ont remporté chacun 11 Oscars. Voilà. Daniel Day-Lewis est le comédien le plus récompensé dans la catégorie meilleur acteur, donc dans la meilleure catégorie dans laquelle il pouvait remporter un prix avec 3 victoires. Et Walt Disney qui en a reçu, lui, 22, mais pas seulement pour lui, Walt Disney, mais pour sa compagnie. Walt Disney. Okay. Des faits marquants. En 1934, Walt Disney, c'est le premier qui a appelé la statuette l'Oscar. Donc, c'est lui qui a vraiment fait que ça a été publicisé. En 1939, encore lui, hein, il ressort pas mal, Walt Disney, qui reçoit un Oscar d'honneur et 7 mini-Oscars pour Blanche-Neige et les 7 nains. Oh. Quand même, mignon. Ah, pour vrai, ils ont fait ça? Oui, ils ont fait ça. Oh. Ça devait valoir son pesant d'or. 1968, en hommage à Martin Luther King qui avait été assassiné cette année-là, les Oscars ont été retardés de 2 jours. En 1972, de nombreuses stars refusent de remettre l'Oscar du meilleur réalisateur parce que Stanley Kubrick avait été nominé pour Orange Mécanique qui était jugé trop violent. Donc, ça a fait un peu un scandale. Puis c'est à partir de là que les Oscars ont été un peu plus ouverts parce qu'en 1992 aussi, on a eu le silence des agneaux. Qui a été nominé, puis qui ont remporté aussi les 5 Oscars les plus prestigieux, là, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. Puis Billy Crystal était entré sur la scène vêtu de la camisole de force. C'est l'animateur portait, cette année-là. Oui, exactement. Il a animé pas mal de fois, lui. Anthony Hopkins. Donc, quand même. Puis, 1994, Whoopi Goldberg, première femme noire à animer. Et 2000, finalement, les Oscars ont été volés cette année-là. Tous les Oscars ont été volés. Je n'ai pas la suite de l'histoire. Pourquoi on dit OK? Attends un peu. Comme aux Oscars, il fallait que je... Tu sais, pour que tu t'en ailles à la fin de discours. Là. Non? Si je remercie l'Académie, mes parents de m'avoir mis au monde. C'est l'orchestre live en studio qui nous jouait ça. Oui. Donc, OK, c'est le prochain mot. C'est ça? OK. Pourquoi on dit OK? Pourquoi? Donc, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, pendant la guerre de sécession, on disait « OK », plus particulièrement « Zero killed », pour dire qu'il n'y avait eu aucun mort. Oh. Donc, tout allait bien. Alors, ce serait une première hypothèse. Ensuite, on dit que ça viendrait du grec moderne « Olakala ». Olakala. Oulakala, qui veut dire tout bien. Les marins grecs ou les poseurs de rails grecs mettaient OK pour dire que tout est bien, tout est bon. Voilà. En boxe, par opposition à KO. KO. Mm-hmm. OK. Et en Grande-Bretagne, un petit peu plus déluré celui-là. Donc, dès 1650, les maisons closes qui ont été fermées. Donc, les messieurs qui voulaient indiquer qu'ils voulaient bénéficier des services proposés par les lieux, même s'ils étaient fermés, disaient OK aux jeunes femmes qui voulaient dire on knees. Ah, ben oui. Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est peut-être. Alors, à vous de choisir quel est votre type de personnalité. Pourquoi dites-vous OK? OK. Alors, on va prendre une petite pause. Ah oui, ben, oui? Caroline, pourquoi pas une petite pause? Et je vais avec deux liens. D'habitude, j'ai un lien par rapport à ce que tu m'as dit. Donc, tu as parlé un petit peu plus tôt de l'orange mécanique. Oui. De Stanley Kubrick, qui était trop violent. Tu as parlé aussi d'un marin dans, là, sur le hockey. Donc, ça m'a fait allumer un petit peu. Sur Orange, Orange, le groupe, voici Marin mort en mer. Oh là là! Si j'ai mal au cœur, c'est que je suis sur un bateau à la dérive. Si j'ai mal au cœur, c'est que je suis sur un bateau à la dérive. J'ai peur que sous moi la coque se déchire, que mes mains m'emportent. J'ai peur que sous moi la coque se déchire, que mes mains m'emportent. Et bah les pieds. fallait bien que tu me parles d'un groupe avec des belles filles dedans, puis j'allais voir. Donc, toujours dans le Véronique Dictionnaire avec Véronique Mire, et c'est la lettre O. On vient d'entendre Orange, Orange. Mm-hmm. Hein, quand ça fit. Ben voilà. Et la pièce Marin, mort en mer, une de mes préférées de leur album. Marin, mort en mer. Elle est fun, c'est full d'altération du Orange, Orange. J'adore ça. Altération. Eh oui, exact. J'étais pas sûr. Oui, mon ami Mathieu adorerait ça, je vais dire ça. Bon. Marie Moramère. Salut à mon homonyme. Wouhou! Mon Mathieu Bonhomme. Donc, lettre O, deuxième partie, oui. On était rendu où? Les Oreos! Oreo. Donc, les Oreos créés en 1912 par Nabisco, hein, la grosse compagnie de biscuits, parce qu'ils trouvaient que les biscuits britanniques étaient plates, trop ordinaires. Donc, ils ont créé les Oreos. Et ils ont réussi parce que c'est tout sauf ordinaire, et c'est bon. C'est bon, bon, bon. Puis en fait, les deux premières sortes d'Oreo saveur, c'était meringue au citron et crème. Oh! Mais crème a carrément pété la gueule à meringue au citron. Il faut qu'il ramène ça. Ouais. Donc, le nom Oreo, ouais. D'où ça vient, donc c'est un peu bizarre, soit dérivation du mot or, car les premiers paquets étaient faits en... Ben, pas en... j'allais dire là. Comme un Oscar plaqué or. J'avais Oscar encore dans la tête. Donc, il était fait... voyons, je vais l'avoir. Il était doré, les d'accord. Premiers paquets d'Oreo. Ou ça viendra encore du grec, donc comme tantôt là, pour le hockey grec moderne, Oreo qui veut dire beau. Ouais, je sais pas. C'est pas super c'est pas comme origine dire. De nom. Ou sinon, on dit... d'autres hypothèses disent que ce serait les lettres R-E du mot cream qui étaient en sandwich entre les deux O du mot chocolat. Tiré par les cheveux. Bon, on va en inventer une, nous autres, on va leur envoyer ça. Quelque chose de plus épique oui. Que ça, là. Ouais. Voyons donc. Est-ce qu'on est capable, tu penses? Mais au moins, c'est pas le nom du chien, du gars qui a inventé le biscuit. T'sais, c'est toujours ouais. Une affaire de même. Obsession. Remarquable. Mm-hmm. Extrêmement original. Doit être ça. Oreo. Ouais, super! Cool. Ça, on va leur envoyer ça. Tu fais tout seul en plus. J'étais là. Je peux prendre 5 secondes, répète-moi la question. Bien dit. Donc, en fait, c'est Kraft qui a racheté ça en 2000. Donc, Nabisco. Kraft qui achète plein d'affaires. Et il s'est vendu 490 milliards d'Oreos depuis la création. Le biscuit le plus vendu du 21e siècle. Génial. Moi, c'est des double stuff que je préfère, même si on a prouvé aussi. Mathématiquement que c'est 1,83. Le foie, le stuff et non pas genre. Mais quand même, c'est très très bon. Parce que c'est ça qu'on aime, c'est la crème. Mais ça. Ils ont pris différentes formes et parfums. Donc, bien sûr, on en a dans les Blizzard, chez McDonald's, oui. Chez Quick, comme Croquant dans le Mixmania. On a entouré de chocolat blanc. Oui. Au chocolat, au lait, au beurre d'arachide, mm-hmm. À la menthe. Mm. Moi, j'adore les Oreos à la menthe. Justement, les. Ils sont bons. Les voyons, chez Dairy Queen, là. OK, OK. En tout cas, les gros trucs qu'ils font là, chez Dairy Queen, McFlurry, pas les McFlurry, ça, chez McDo, mais les bizarres. Bizarre, ouais. Bizarre. Tu peux aussi prendre un bol, mettre du lait et mettre des mini Oreos. Tu sais, ça se vend, les mini Oreos? Oui. Dans un bol, mange ça comme ça. Ah! Voilà. Wow, quelle excellente idée. Ils sont justement spéciales chez 2$. Oh, okay. À 2$ chez WM. Oh yeah! Et vous avez, bon, Kraft, c'est eux qui ont lancé le cérémonial du Twist Lick Dunk. Donc, de l'ouvrir, de le licher et de le tremper dans un verre. Est-ce qu'en français, c'est twister, lécher, tremper? Je sais pas. Ils disent tourne, lèche, trempe. D'accord. Tourne, lèche, trempe. En tout cas. C'est louche, dit comme ça, je trouve. Oui. Puis ça repose sur le mythe du lait, hein, parce qu'ils voulaient que les gens boivent plus de lait, mais l'ironie, c'est qu'en fait, dans les Oreos, il n'y en a pas partout du lait, évidemment. Puis, bon, vous avez aussi, ils ont sorti des Oreos cachères, sans graisse de porc. Okay. En Indonésie et en Malaisie, il y a des Oreos aux fraises et aux bleuets. Oh. Chine et Japon, thé vert et au citron. Et pour le Chili et l'Argentine, on a les Dolce de Leche, qui, à mon avis, serait parfait au Québec. Donc, tout des Dolce de Leche au Québec, tout. Quand même. Dans les épiceries, on dirait. Why not? Les ouragans. Ouragans. Donc, les ouragans sont appelés ouragans dans l'Atlantique Nord et l'océan Pacifique à l'est de la ligne de changement de date. OK. On les appelle des typhons dans le Pacifique Nord. C'est la différence entre typhoon et hurricane. Oui. OK, je comprends. Exact. Et vous avez aussi cyclone tropical dans le Pacifique Sud. Je ne savais pas. Non, mais il y a différentes appellations, mais c'est tout la même chose. OK. Dans l'Atlantique Sud, ben, il n'y a pas de nom parce qu'il n'y en a pas vraiment eu. Il n'y en a eu qu'un ouragan, donc il n'y a pas vraiment donné de nom pour dire que c'est des ouragans pour l'instant. C'est l'échelle de Saffir-Simpson qui permet de mesurer la force des ouragans. Les noms de baptême sont toujours écrits en italique. C'est important. Hein? Oui, ah, les noms de baptême des ouragans doivent être écrits en italien. Genre l'ouragan Linda, puis Linda va être en italien. Linda en italien. Jamais vu ça. Oui, pour pas que ça soit confondu avec le nom d'une personne. Oui, c'est ça. Moi aussi, je me demandais en lisant ça, ben, j'ai-tu vu ça, moi, un nom d'ouragan écrit en italien? Je pense qu'ils n'ont pas eu le mémo. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est ça. Avis à la population. Puis, ben, en fait, au départ, les noms étaient donnés selon des patrons, là, les saints du jour. C'est les Espagnols qui ont parti ça. Mais bon, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale encore, donc l'armée américaine, plus précisément les météorologistes de l'American Air Force, qui est maintenant la US Air Force, leur ont donné des noms de femmes. Parce qu'ils voulaient prendre leur revanche contre leur femme. Donner des noms de femmes, ou parce qu'ils s'ennuyaient et puis ça leur faisait penser à ça. Puis ben là, on changeait la liste des noms à chaque année pour pas que les mêmes noms reviennent. Et on n'a pas des affaires de gars aussi, femme-homme? Oui, c'est ensuite. OK, parfait. Tu vas voir, en fait, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en 1979, le mouvement féministe s'est révolté. Donc là, les noms de femmes, ça suffit. Et c'est pour ça qu'on a alterné justement prénom féminin, prénom masculin. Et on fait déjà les listes à l'avance. Les listes sont faites pour 6 ans. On lit, c'est un cycle, donc ils reviennent aux 6 ans. 21 prénoms courants de A à W. Ça va pas plus loin que W. Si on se rend là, on fait quoi? On passe aux lettres grecques. OK, alphabeta. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas vraiment de nom, ça va être juste les lettres grecques. Sinon, puis, ça aurait été tout le temps Xavier, puis ça aurait été tout le temps genre, je sais pas... X, I... Oui, c'est ça. Après Xena. Ça... oui, hein? Après ça, il n'y avait plus vraiment de nom possible. Donc, c'est pour ça qu'ils ont arrêté ça à W. Quoi que W? Ben ouais, non, c'est vrai. W, il y en a pas. En anglais, mettons, quand même, quand même. Puis, ben, c'est en 2005 qu'on a eu le plus. Il y en a eu 27. Donc, on est allé jusqu'à la lettre grecque Zeta. Faites attention si vous voyagez à la saisonnalité des ouragans. Très important. Donc, ici, Atlantique Nord. Donc, c'est de juin à fin novembre, particulièrement au début de septembre. Donc, ceux qui prévoient aller dans le... En sud, là, à ce temps-ci, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Nord-est du Pacifique, c'est pas mal la même chose aussi. Les ouragans les plus coûteux, donc Katrina est en première position en 2005 avec 8 points. 8 points, hey, je suis loin, hein, ma virgule était mal placée. 81,2 milliards de dollars de dégâts. Andrew, en 92, et d'ailleurs, fait personnel, j'y étais 2 jours avant que l'ouragan arrive en 92. On est parti juste à temps. Qui a coûté 44,9 milliards de dollars aux États-Unis. Quand même. Donc, voilà pour les ouragans. Un oreiller. OK, rempli de bactéries et de microbes. Ouais, exactement. C'est le bout dégueulasse. Ouais. Mais, donc, faites attention. Après 2 ans d'utilisation... Ah, dis-moi pas ça. Jusqu'à un tiers... Tu peux boucher tes oreilles? Faites la même chose à la maison. Jusqu'à un tiers du volume d'un oreiller peut être composé de peaux mortes d'acariens, de leur caca et de leur cadavre. Des caca d'acariens. Donc, dégueulasse, hein? On y pense point. Et puis, les oreillers, là, en passant, ben, ça se lave. L'oreiller au complet dans la laveuse. L'oreiller se lave, mais il faut faire attention, il faut en acheter qui se lave. Là. Okay. Un oreiller de plume ou d'hiver ou des choses de même, peut-être pas recommandé. Peut-être pas. Mais un oreiller synthétique, où c'est écrit, vous pouvez le laver, c'est peut-être mieux. Donc, c'était ce que je voulais dire sur l'oreiller. Les c'est oignons, le bout de dégueulasse. On voulait vous turner off à matin. Oh, ça va vous donner le goût de vous lever? Oui. Vous allez faire, ça fait combien de temps que j'ai mon oreiller? Je dors plus jamais. Les oignons. Oignons! Donc, comment? En fait, quand on pleure, les oignons, c'est à cause de l'alliine, une substance soufrée qui se libère dès qu'on coupe l'oignon. L'alliine. Alliine. Je pense que c'était une rappeuse américaine, ça. Alliine. Eh non! Maudite affaire! Donc, comment faire pour pas pleurer? Oui, j'en ai entendu quelques-uns, mais est-ce qu'ils fonctionnent? Je veux savoir ça. Vas-y. Ben, moi, j'en ai 3, mais je sais qu'il y en a plus que ça. Donc, d'abord, on dit soit les mettre dans le congélateur 10 minutes avant de les couper ou 1 heure au frigo. Avant de les couper et de passer votre couteau à l'eau froide aussi régulièrement que possible. Ça va couper l'évaporation de l'alliine. Ensuite, vous pouvez le couper sous un filet d'eau froide. Dans mon cas, ce ne serait pas nécessairement la meilleure idée. Non, je vais me trancher les doigts facilement. Exactement, oui. Tenez le plus loin possible de l'oignon. Donc, restez achetez des grands couteaux. Là, puis... C'est ça. Achetez un petit robot. Oignon avec un katana. Ça allait être sûr d'être bien. Ben, y avait l'hypothèse aussi de toujours garder la bouche ouverte ou toujours garder la bouche fermée. Les deux sont impossibles pour moi. Non, c'est ça. Mais non plus. As-tu déjà entendu parler de mâcher de la gomme? Non. Moi, c'est ce que j'ai lu. Ah. Je l'ai jamais essayé. Est-ce qu'il y a une saveur de gomme particulière? Non, je pense pas. Si je le fais de mâcher, peut-être que ça va faire passer de l'air, je sais pas trop quoi. Ou sinon, peut-être, j'avais lu des lunettes de plongée. Des lunettes de plongée, ça, c'est pour niaiser le monde. Pas sûr, tu sais. Pourquoi pas mettre un masque de chez ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je mets mon masque de coupeur d'oignons. Tant qu'à mettre un masque, va dans une épicerie, vole les oignons. Déjà tranché. Et non, c'est pas vrai. Tu sais, tant qu'à ça. Mais là. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Donc, essayez-en au pain, puis donnez-nous-en des nouvelles. Ouais. Hein? Comment qu'on peut couper un oignon. Pour enlever la laine, donc soit manger des feuilles de menthe, ça c'est bon pour tout, là, en fait, neutraliser la laine, peu importe que ce soit l'oignon, l'ail, feuilles de menthe, persil. Souvent dans les restaurants, il y a des feuilles de persil là, sur la nourriture. Mettez-les de côté. Si vous mangez dans un restaurant grec, entre autres, ben ça va couper la laine. Ou des grains de café. Ça, c'est un peu plus rough, par exemple. C'est un peu... ça réveille. Ça. Un petit kick. Hein? Ouais. Pour enlever l'odeur sur les doigts, donc vous frottez les mains avec du jus de citron ou du vinaigre. Excellent, parce que des fois, je me lave les mains genre 10 fois, puis ça sent encore. Ça sent encore. Jus de citron. T'aimes pas ça, cette odeur-là? Non, vraiment pas. Ah. Pas sur mes mains, en tout cas. Eh ben, eh ben. Non. Ou même chose pour la planche à découper. Donc, parce que votre planche à découper... On sent pas nos trucs, hein, mais la planche à découper, quand on a coupé un oignon de l'ail dessus, là, ça sent pas mal. Ou vous mouillez les mains et les frottez sur un robinet en acier inoxydable. Là, vos mains vont sentir le métal. C'est pas mieux, hein? Dans le fond. Un mal pour un autre. Ouais. Puis terminons sur deux petits mots. J'ai pas trouvé beaucoup de mots passionnants dans la lettre O qu'on ne connaissait pas, mais quand même. Deux. Obvi. Obvi, connais pas. Obvi, qui nous fait penser à obvious. Oui. En anglais. Donc, qui vient spontanément à l'esprit ou qui est évident. Ah, OK. Donc, version française de obvious. Et vous avez les oestres. O-E-S-T-R-E. Ça, c'est des mouches qui pondent près des narines des moutons et des chèvres et dont la larve se développe dans les os du crâne, ce qui provoque des vertiges chez l'animal qui va aller des fois se péter la tête un peu partout pour stopper là, ce mouvement. C'est sympathique, ces petites bébêtes-là. Hein? Donc, les acariens, les ongles, les petites mouches. Hey, c'était assez morbide aujourd'hui. Une chance qu'on n'ait pas 31. Mais on est proche du 13. C'est vrai, vendredi 13 cette semaine. J'avais tout pensé à ça. Merci de nous faire peur comme ça, Véronique Mitt. On te retrouve dans deux semaines? Ou dans une semaine? Dans une semaine. Dans une semaine, oui, je n'étais pas sûr. Oui. Parfait, dans une semaine. Pour la lettre N. La lettre N. L'alphabet à l'envers n'est pas mon fort. Comment? N comme Normand. N comme... Nanan. OK, Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Nourriture. Il y en a des sexuels que je dirais pas. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Oh. Ben oui, c'est une super bonne idée. Une belle version. Une très belle version. Et c'est justement dans le sujet, puisque j'ai ma chronique sur les comédies musicales à Broadway. Eh bien oui. Eh bien oui. Écoutez, moi, je suis très quétaine dans la vie sur plusieurs aspects. Mais moi, je trouve que les gens qui sont quétaines puis qui s'assument, ils deviennent vraiment pas quétaines. C'est ça l'affaire. Hein? Ben, Colin, je m'annule moi-même. Ben, c'est le fun, ça. Mais j'ai une grande passion pour les comédies musicales à Broadway, même si je suis jamais allée. Okay. De toute manière, ça coûte vraiment trop cher. Là. Un billet pour Broadway, c'est dans les 500 $. Oh! Mais ça va être sûr quelque chose que tu vas faire au cours de ta vie. C'est quelque chose que je veux faire, c'est effectivement. C'est sûr, dans le checklist d'un moment donné. Là. Et oui, le to-do list. Ça va être d'aller voir une comédie à Broadway. Il y en a tellement, mais je regarde tout le temps les Tony Awards, qui sont en fait les Oscars des comédies Broadway, musicales. Exactement. Et je m'achète des trames sonores de comédies musicales que je n'ai jamais vues. Éventuellement, quand on lit l'histoire, on réussit à tout comprendre. Et je veux justement essayer de vous faire aimer Broadway, parce qu'il y a une espèce de... Ben, il y a des préjugés. C'est difficile un peu. C'est difficile. Faut aimer l'idée d'une comédie musicale, de chanter une histoire. C'est pas évident. Mais sur Broadway, il y a plusieurs bijoux. Et là, je vais aller autant dans mes chroniques, ça va être des classiques qui ont été refaits plusieurs et plusieurs fois sur Broadway, que des nouvelles productions. Et d'ailleurs, je commence avec ça. Une nouvelle production? Une nouvelle production, nouvelle qui date de 2003, on va se le dire. Là. Ben, c'est quand même récent pour des comédies musicales. Des fois, il y a des trucs qui roulent depuis 20 ans, 30 ans. Oui, c'est ça. Là, quand on parle de Annie ou ainsi de suite, ça, c'est des des piliers. Mais là, on parle d'une comédie nouvelle qui n'a pas été remasterisée. C'est une comédie qui a été écrite, en fait, par un Robert Lopez, qui était plus ou moins connu. On ne sait pas trop d'où est-ce qu'il sort. Et en fait, la comédie musicale, c'est Avenue Q. Avenue Q, c'est le meilleur moyen de le décrire. C'est en fait un mash-up entre South Park et les Muppets. Wow! C'est en fait une comédie musicale où est-ce qu'il y a majoritairement des personnages qui sont en marionnettes. Il y a juste 3 personnages humains. Sinon, ce sont les marionnettes là, qui sont vraiment jouées par des humains, en fait. Là. Mais si je fais juste un petit guillemet avec South Park, le film de South Park, c'était une comédie musicale? Oui, effectivement. Pour vrai, là, oui, je me rappelle, c'était vraiment une comédie musicale, ça. Oh, je vais faire un lien parce que sûrement que la semaine prochaine, je vais vous présenter la suite un petit peu d'Avenue Q, qui est en fait Robert Lopez et les créateurs de South Park, qui est The Book of Mormons, que j'ai adoré. Okay. Et en fait, ça ici, c'est ça. Robert Lopez va être dans cet univers-là là, de très satirique. Écoute, on a des chansons là, du titre de « The Internet is for Porn »,« Everyone's a little bit racist ». Quoi, c'est pas ça? Oui, oui, c'est ça, justement. Il pointe la réalité. Donc, ce sont vraiment, c'est une comédie très satirique avec des mopettes, donc des marionnettes. Et c'est un peu pour rire des marionnettes, hein, parce que si on écoute un peu le 1 rue Sésame, le Sesame Street, on a en fait Cookie Monster. Oui. Eh bien, dans Avenue Q, on a Tricky Monster, qui justement, Tricky Monster est accro à la pornographie et non pas aux biscuits. Ah. Donc, vous voyez, c'est une comédie musicale vraiment très satirique qui va présenter en fait la vie de personnes normales. En fait, Avenue Q, c'est dans Brooklyn, à New York. Et en fait, c'est beaucoup... C'est comme le quartier pauvre. Parce que tu as l'avenue A, B, C, D, qui sont des quartiers riches. L'avenue Q, c'est justement le average. Donc, tout le monde n'importe qui... N'importe où, pas trop visible. Hein? C'est ça, exactement. Et en fait, il y a plusieurs personnages. Il n'y a rien de... C'est pas une histoire abracadabrante. C'est la vie des personnages qu'on a là. Donc, on a une professeure qui essaye de trouver sa voie. On a Princeton qui vient d'arriver, justement, dans le quartier parce qu'il y avait... En fait, c'était trop cher ailleurs. Il vient de sortir avec une majeure en anglais, puis il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. On a Tricky Monster, qui justement s'adonne à la pornographie. Et on en a un qui vient de se faire envoyer de sa job. Donc, c'est tout... C'est très, très, très banal, mais tout ça est amené avec un humour assez spécial et souvent en comptine. Donc, c'est le quotidien de plusieurs personnages, un peu. Oui, exactement. En fait, ça va surtout tourner autour de l'histoire d'amour de Princeton et, en fait, de la fille principale qui, bon, vont tomber en amour un petit peu. Ça tourne autour de ça, mais il y a aussi le couple de colocs, qu'il y en a un qui est gay, mais qui se l'avoue pas. OK. Fait qu'il y a une chanson qui s'appelle « If you were gay ». Et en réponse, t'en as un, c'est « My girlfriend who lives in Canada ». Ou est-ce que c'est une chanson c'est qui fait « J'ai une blonde », c'est juste qu'elle vit au Manitoba. Donc, c'est ça, c'est vraiment très satirique. Ça tourne autour de ça. Là. Donc, les colocs, on a le gars aussi qui vient de perdre sa job puis qui vit avec sa femme qui est asiatique, qui, elle non plus, n'a pas de job. Fait que c'est vraiment... Il n'y a rien de... C'est pas une histoire épique, mais tout ça est rendu avec un tel humour que même si on a des chansons très avant-gardistes, Avenue Q a gagné le Tony Award de la comédie musicale de l'année. Fait que même si c'était grinçant, puis ça a l'air d'être dindant quand même. Ah un oui, peu, oui. Là. Puis, tu sais, des dicks... ouais, c'est ça, le langage, il roule. Ça l'a été, ça l'a vraiment, on s'attendait pas à ça à Broadway et ça l'a tout raflé. C'est un ovni. Oui, oui, vraiment un ovni parce que Robert Lopez, il arrive de nulle part. On le connaît pas. Il fait son truc avec ses marionnettes puis finalement, en fait, ça marche. C'est ça, il va remporter 3 Tony Awards au final et ça contre des comédies musicales qui étaient... des institutions. Là. Oui, c'est ça, exactement. donc, ça va être quand même très, très, très étonnant. C'est d'ailleurs le 21e spectacle le plus joué au monde. OK. Il a fait une tournée nationale, mais aussi mondiale. On l'a retrouvé un peu partout. Je sais que Londres l'a présenté pendant plusieurs années. Moi, j'ai un de mes amis qui l'a vu là-bas. Alors, Avenue Q, c'est comme un pilier. Et moi, je dois avouer que c'est ça qui m'a fait aimer Broadway. OK. C'est la première comédie musicale. En tout cas, tu commences avec la bonne, parce que déjà, tu attires mon attention. Je trouve ça intéressant. C'est très, très drôle. Et en fait, Avenue Q, évidemment, Broadway, on n'a pas de on ne peut pas voir si on n'est pas sur Broadway. Okay. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, rien. Mais en lisant les histoires, en écoutant les chansons... Et, ils n'existent pas. Ils ne font pas de captation. Non, en fait, ils veulent garder leur Broadway. C'est ça. Mais c'est qu'en fait, chaque production peut se refaire plusieurs années plus tard. je suppose que l'idée de Broadway, c'est justement d'un théâtre live. Que les gens viennent. Si on le mettait, c'est ça. Si on le mettait sur DVD, peut-être que ça pousserait moins les gens à aller sur Broadway. Tout à fait. En fait, il y en a qui l'ont fait pareil. Les Misérables se retrouvent sur DVD à plusieurs reprises. Mais en même temps, Les Misérables, c'est comme sûrement une des comédies musicales les plus connues au monde. Oui, c'est ça. Donc, puis tu sais, il l'a à télé. Il l'a partout. Là. Donc, éventuellement, en fait, même si on l'a en DVD, moi j'ai spectacle DVD chez nous, on va quand même payer pour aller le voir à Broadway parce qu'on sait que c'est d'une grande envergure. Avenue Q, c'est ça, c'est pas d'une grande envergure. Mais quand même, ça va être assez impressionnant. Mais on n'a pas d'enregistrement. Pas encore. Peut-être qu'éventuellement, ça va se faire. Parce qu'au départ, Avenue Q, c'est censé être une télésérie. OK. Puis finalement, ils ont décidé de faire une comédie musicale. Les chansons sont très comptines. OK. Donc, c'est ce que je m'en ai demandé. Quel style de musique tu retrouves là? En fait, c'est ça. C'est un peu de rire des comédies musicales, Avenue Q. Parce que c'est vraiment des chansons. The Internet is for Porn et Everyone's a Little Bit Racist, qui est deux de mes chansons préférées, sont très comptines. Donc, si tu n'écoutes pas les paroles, tu pourrais penser que c'est le CD pour un enfant, tu sais, qui explique Everyone's a Little Bit Racist. Ouais, c'est ça qui fait Sesame Street. Oui, là. C'est ça. Donc, la musicalité n'est pas très développée. Beaucoup moins, en fait, que The Book of Mormons, que je vais vous faire écouter la semaine prochaine, où est-ce que là, c'est beaucoup plus théâtral. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui fait le grand mix de ça. C'est que c'est si simple et qu'on parle de pornographie, on parle de relations sociales, de gays. Ça fait un clash. C'est ça. En fait, ça fait un grand clash. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant. Certains vont dire que justement, c'est très simpliste comme musicalité. Okay. J'ai un de mes amis qui est musicien puis qui fait « Oh, c'est bon, mais il manque un petit quelque chose. » Non, mais gars, il y a plein de gens qui... Les vrais musiciens, ils n'aimaient pas ça, mais tout le monde aimait ça. Ben oui, c'est ça. C'est pour vrai. « Ah, oh, mais là, c'est n'importe quoi. » Ben, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter quand c'est efficace. C'est ça. Il ne faut pas s'arrêter à la musicalité. Il faut s'arrêter, en fait, à l'ensemble. Et c'est sûr que... Là, je vais vous faire écouter la chanson d'entrée qui présente les personnages. La chanson s'appelle « It sucks to be me ». Et dans le fond, c'est vraiment... Là, ça présente là, comment... Comment, en fait, c'est Princeton qui arrive, qui explique « I want to go back to college », en fait, là, qu'est-ce que je fais avec ma vie, et qui arrive sur Avenue Q. C'est pas évident de comprendre la comédie au complet. Ça, c'est le grand dilemme de présenter des comédies musicales. Ce qui est le fun, c'est de les voir en intégralité. Alors, en fait, on va quand même présenter des personnages, un humour assez décalé, puis qui est quand même très, très, très efficace. Alors, on va aller écouter... Qui est la pièce 2. Oui, la pièce numéro 2. Donc, on y va tout de suite. What do you do with a BA in English? OK, ouais, avec ton diplôme. It sucked to be me. OK, ben, on y va avec ça. Désolé, mais c'est mon anglais qui m'a dit. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça me prendrait mon diplôme, justement, en anglais. Oui. What do you do with the BA in English? What is my life going to be? 4 years of college and plenty of knowledge have earned me this useless degree. I can't pay the bills yet, 'cause I have no skills yet. The world is a big scary place. But somehow I can't shake the feeling I might make a difference to the human race. Morning, Brian. Hi, Kate Monster. How's life? Disappointing. What's the matter? The catering company laid me off. Oh, I'm sorry. Me too. I mean, look at me. I'm 10 years out of college, and I always thought, oh. What? No, it sounds stupid. Aw, come on. When I was little, I thought I would be. What? A big comedian on late night TV. Oh. But now I'm 32, and as you can see, I'm not. Nope. Oh well. Mm-hmm. It sucks to be me. No. It sucks to be me. No. It sucks to be broke and unemployed and turning 33. It sucks to be me. You think your life sucks? I think so. Your problems aren't so bad. I'm kinda pretty. I'm pretty damn smart. You are. Thanks. I like romantic things like music and art. It sucks to be me. You're not my mother, Rod. Hey, Rod, Nikki, can you settle something for us? Do you have a second? Certainly. Whose life sucks more, Brian's or mine? Ours. We live together. We're close as people can get. We've been the best of buddies ever since the day we met. So he knows lots of ways to make me really upset. Whoa-oh, every day is an aggravation. Come on, that's an exaggeration. You leave your clothes out. What? You put your feet on my chair. Oh, yeah? You do such anal things like ironing your underwear. You make that very small apartment we share a hell. So do you. That's why I'm in hell too. It sucks to be me. No, it sucks to be me. It sucks to be me. It sucks to be me. Is there anybody here it doesn't suck to be? It sucks to be me. Our lives suck. Your lives suck? I hearing you correctly? Ha! I coming to this country for opportunities. Try to work in Korean deli, but I am Japanese. But with hard work, I earn 2 master's degrees in social work. And now I am a therapist, but I have no clients. And I have an unemployed fiancé. Excuse me, hey, sorry to bother you, but I'm looking for a place to live. Why are you looking all the way out here? Well, I started in Avenue A, but so far everything's out of my price range. But this neighborhood looks a lot cheaper. Oh, and look, a for rent sign. You need to talk to the superintendent. Let me get him. Great, thanks. Yo, Gary! I'm coming, I'm coming! Oh my God, it's Gary Coleman! Yes, I am! From TV's Different Strokes. I made a lot of money that got stolen by my folks. Now I'm broke and I'm the butt of everyone's jokes. But I'm here, the superintendent on Avenue Q. It sucks to be you. You win. It sucks to be you. I feel better now. Try having people stopping you to ask you, what you talking about, Willis? It gets old. It sucks to be you on Avenue Q. Love it. We live on Avenue Q. Here's your keys. Welcome to Avenue Q. Wow. C'était « What do you do with the BA in English » et « Sucks to be me ». C'est une... En fait, pour ceux qui viennent se joindre à nous, c'était quoi qu'on écoutait? C'était un extrait de la comédie musicale Avenue Q qui a été sur Broadway en 2003. Donc, c'est une comédie qui a été faite par Robert Lopez dans un humour très décalé. Je vous encourage à aller voir un peu plus ces chansons. Ceux qui sont connus, en fait, il y a plusieurs personnes qui connaissent « The Internet is for Porn » sans savoir que c'est ça. OK, que ça vient de ouais, là. Oui, que ça vient de là. Ça vaut la peine. « Everyone's a little bit racist if you were gay ». Il y a plein de beaux bijoux musicaux là-dedans. Aussi, en fait, sur YouTube, on peut voir une performance du cast d'origine, okay. Donc des acteurs principaux. Mais pas un bout de la comédie. C'est en fait la chanson que j'ai présentée. On la voit, une performance qu'il y a eu au Tony Award. Okay. Ça, en fait, c'est ce qui va arriver à chaque Tony Award chaque année. On présente une scénette des comédies qui ont été là cette année. Fait que dans le temps, là, ça date quand même de 2003. Mais on présente, on voit bien les personnages. Il y en a à marionnette, il y en a qui ne le sont pas. C'est très intéressant à voir. Et en fait, on voit vraiment là, dans quoi ça s'agence. C'était la chanson vraiment d'entrée où est-ce qu'on présentait tous les personnages. Donc, c'est ça. Princeton, il y a Kate Monster qui vont finir ensemble. T'as les deux colocs, dont un qui va s'avouer gay. Finalement. C'est ça, finalement. Donc, et c'est ça. C'est vraiment tous les personnages sont présentés là. Sauf Trekkie Monster. Il est pas encore là. The Internet is for Porn. C'est là ce qu'on... Il garde pour après. Ouais, c'est ça. Il garde pour le dessert. Et voilà. Alors, c'est vraiment, en fait, une comédie qui est très contine, très, tu sais, il danse un peu comme satirique. Mais justement, comment c'est animé à l'écran? Ben, en fait, ça va être... Si c'est des marionnettes? Oui, ben, en fait, les marionnettes sont seulement de corps. Donc, c'est... Il va OK, avoir... fait qu'il y a un genre... En fait, il y a moi, oui. Je tiens une marionnette dans ma main et je fais parler la marionnette. Okay. Donc, on voit l'acteur aussi qui est en arrière est en de la noir, marionnette, genre? Puisque... Oui, ben, en fait, qui est comme bien normal, vraiment simplement, sobre. Simplement, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est eux qui chantent. Donc, mais en fait, ça crée pas de problème parce qu'on regarde quand même la marionnette. Oui, c'est ça. Donc, elle avait, en fait, la marionnette, c'est la tête, le corps. C'est un plan américain. Là, okay. Donc, on voit les bras. Oui. C'est aussi simple que ça, les bras et la bouche. Certains vont avoir deux acteurs après la marionnette, comme Trekkie Monster, okay. Puisqu'il est un peu plus gros. Mais il y en a tout le temps un là, qui chante. Là. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Ouais, c'était pour imaginer la technique, j'imagine. Oui. Je pose la question quand même. Mais c'est quand même... Puis c'est de voir, en fait, comment l'acteur réussit. C'est quand même spécial, ouais. De... faire... Lui, il n'existe plus. Oui, c'est ça. Mais il acte quand même parce que quand ce personnage est outré, lui aussi est outré. Oh oui. Mais c'est ça, c'est de ne pas prendre place de sa marionnette. C'est... Que l'attention soit portée sur la marionnette. Ouais. Là. Alors, c'est très impressionnant quand même. Alors, je vous invite à connaître un peu plus Avenue Q, The Musical, qui a, je vous le rappelle, gagné le Tony Award de l'année lorsqu'il a été à Broadway. Merci, Alexandra Carignan. Ben, ça fait plaisir. La semaine prochaine, tu nous parles de... The Book of Mormons. Donc, on va aller avec plaisir écouter ça. Ben, puis moi, c'est sûr que cette semaine, je vais aller checker des images et m'informer là-dessus parce qu'effectivement, tu as piqué ma curiosité. Eh bien, tant mieux. C'était ça mon but. Merci beaucoup. Donc, on va se laisser avec la petite trame 2 secondes. Puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Laurent Constantin, qu'on accueille en studio en direct. Bon matin à toi. Bon matin, Mathieu. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Pas trop difficile de se lever aussitôt pour venir à 7h30? Non, c'est pas trop pire, mais la marche, c'était un peu collant. Il y a beaucoup de brume ce matin, ouais. Tu as sûrement remarqué. Oui, c'est humide depuis quelques temps. Mais bref, Laurent Constantin, qu'on va retrouver tous les lundis dorénavant à partir de la semaine prochaine. Donc déjà, tu vas revenir, dans le fond, nous voir 2 émissions de suite. Oui, 2 émissions de suite, mais les lundis, ça va être quand même spécial. On peut déjà avertir les auditeurs qu'ils vont avoir en première chacune de mes chroniques, puisque le journal sort le mardi. Incroyable, mais vrai. Donc, vraiment, tu vas être à toutes les semaines et le journal, en plus, sort aux 2 semaines. Donc, 1 semaine sur 2, ce ne sera pas l'article du journal en plus, mais la semaine, ça va être l'article du journal. On va le savoir avant tout le monde. Exactement. Génial. Tiens, Stéphanie Paradis, dans ta face. Big bang. Big bang. Donc, c'est la chronique Voyage au centre du campus. Si on avait un petit thème, genre un super Jules Verne. Ouais. On va voir un bateau qui se déplace jusqu'au noyau central de la Terre. L'image, si on pouvait faire une petite vidéo là-dessus. Donc, raconte-nous un petit peu ce que ça veut dire, Voyage au centre du campus, et qu'est-ce que tu comptes faire pendant toute la session avec cette chronique-là? Alors, Voyage au centre du campus, c'est une chronique un peu... c'est seulement pour exprimer que je vais amener les étudiants à découvrir leur université de l'intérieur, pas simplement qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur leur portail étudiant, sur le site de l'UQTR, mais des fois peut-être quelque chose de plus recherché, quelque chose de plus enquêté et aussi un peu plus critiqué. T'es comme le JE de l'OGE, non? Ça arrêtait pas bien comme nom, par exemple? Oui, exactement. Le JE de l'OGE, si t'allais parler seulement de l'OGE. Émission Enquête, c'est ça, avec Alain Gravel. Alain Gravel. Donc, c'est ça. Commençons avec ton premier sujet de la session. Là, c'est celui qu'on retrouve dans Zone Campus en ce moment, n'est-ce pas? Oui, qui est en kiosque depuis déjà 1 semaine et demie. Attendez pas, on peut faire un message aux nouveaux étudiants de l'UQTR. C'est un journal qui vous appartient. Oui. Lisez-le. Toujours des bonnes chroniques, des bons sujets. Et plus de chroniques que jamais cette année. Il y en a vraiment beaucoup. Et le journal est disponible sur le campus, partout sur le campus de QTR. Il y a plein de petits kiosques pour ça. Et sinon, c'est dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, les Morganes, entre autres. Oui, oui. Donc, plein d'endroits pour vous trouver ça. Et zonecampus.ca, bien sûr. Pourquoi pas. Alors, je te laisse y aller quand tu veux. Alors, le titre de la chronique de la semaine, une image qui a du coût. Oh, et du coût comme le jeu de mots avec de l'argent. Exact, c'est ça. Bonne rentrée à tous. Avez-vous remarqué ce qui vous accueillait à votre entrée à l'UQTR? De nouvelles enseignes. En effet, l'université a décidé de changer ses vieilles affiches de 30 ans pour les moderniser au goût du jour. Comment cela a-t-il coûté? Environ 210 000 $. Pour certains, cela ne semble pas beaucoup, mais pour d'autres, c'est bien assez pour créer un ouragan de critiques sur les réseaux sociaux. Je plains d'ailleurs à la personne qui gère la page Facebook de l'UQTR. Quelle tâche ingrate ce doit être. Dans le fil des commentaires de la nouvelle, il y a comme un arrière-goût de printemps étudiant et de carré rouge. Il est vrai que si on fait des mathématiques, 210 000 divisé par 3 000 $, le coût d'une année universitaire, disons, égale 70. Au lieu d'installer de nouvelles affiches, l'université aurait pu organiser une loterie afin d'offrir la gratuité scolaire à 70 de ses étudiants. Génial, non? Cela ressemblerait au tirage pour les vignettes de stationnement. Parlons-en des stationnements. Alors que certaines personnes associent la facture des panneaux à la hausse des frais de scolarité et l'augmentation du coût des prêts entre bibliothèques, personne ne parle de la rénovation du stationnement qui a coûté 270 000 $. J'avoue, c'est l'été et M. Facebook n'a pas publié cela sur la page de l'UQTR. Mais pour être passé devant tous les jours, je me demande encore pourquoi le stationnement du CAPS a été réasphalté au grand complet. Est-ce que la surface était à ce point abîmée? Est-ce qu'il y avait des fils ou des tuyaux à faire passer en dessous? Est-ce que cela a ajouté des places supplémentaires? Est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques? Est-ce que les compagnies mafieuses de Montréal avaient soif de nouveaux contrats? Je crois qu'on peut répondre non à chacune de ces questions. Ce n'était ni nécessaire ni prioritaire. On peut au moins se consoler, avec cynisme, en se disant que le P8 est maintenant payant afin de prétendument financer cette dépense. Nécessité et priorité. Peut-être avez-vous accroché au mot nécessaire et prioritaire. Non, le renouvellement des affiches de l'UQTR n'était pas plus prioritaire. Toutefois, c'était nécessaire. À moins que vous ne viviez dans le déni, l'image de marque d'une université est primordiale. Chacune d'entre elles se fait concurrence. Imaginez si le site internet de l'université affichait des photos du sous-sol du Pierre-Boucher ou des belles œuvres d'art en macramé présentes dans les différents auditoriums. C'est beau, ça! Donc, de renouveler de vieilles enseignes en béton avec un lettrage en fer forgé où nous pouvons lire « Université Québec Trois-Rivières », il manque des bouts. Ça fait du bien, il manque des lettres. Or, si l'étudiant critique ne peut plus douter de la nécessité des nouvelles affiches, il peut encore remettre en question le choix esthétique. On dirait qu'elles sortent tout droit de l'ère spatiale. Du moins, elles détonnent. Sur un fond de verdure et d'arbres matures, on nous a déposé là une belle navette spatiale en aluminium. Une réplique quasi exacte du vaisseau de Buzz Lightyear. D'ailleurs, elle ne semble pas encore achevée. Après deux semaines, on est rendu à trois, ouais. Peut-être même quatre. Il manque encore des morceaux à celle installée sur la rue Sainte-Marguerite. Il ne résisterait sûrement pas à son entrée dans l'atmosphère. L'aluminium. Est-ce que ce matériau est présent ailleurs à l'université? Oui, en écrivant cette chronique, je me suis souvenu de la très belle sculpture en forme de U près du pavillon Pierre-Boucher, faite d'aluminium. Esthétisme et incohérence. En effet, il faut avouer que bien que notre université se soucie de son esthétisme, elle n'a pas le souci de la cohérence. Il y a de très beaux pavillons et de très belles œuvres à l'université. Nous ne sommes pas l'université McGill, où tout est antique et bien ouvragé. Mais on peut tout de même trouver une certaine beauté dans l'entrée du hall Gilles Boulet, avec ses cubes et ses fontaines illuminées, dans la passerelle qui mène au pavillon santé, dans l'observatoire du Pierre-Boucher, etc. Malgré tout cela, asseyez-vous un seul moment sur la terrasse de la Chasse-Galerie et faites un tour de vous-même afin de voir le panneau Brahma. Il n'y a à peu près aucune uniformité dans les styles architecturaux. Quelle université baroque avons-nous? Le béton blanc côtoie la brique beige, brune et rouge, ainsi qu'une clôture vert forêt de type frost. Il y a un auvent d'un vert plus clair aux portes de certains pavillons seulement. Voudrait-on vraiment que le rectorat engouffre quelques centaines de milliers de dollars afin de déterminer le design à suivre dans le développement immobilier de l'UQTR? Non. Après tout, l'université doit rester à l'image de sa ville. Oh, toi, regarde. Un lieu mal planifié, avec quelques œuvres éparpillées, mais projetant une image soignée et médiatisée. Savoir très surprendre. Resterait plus qu'à avoir notre propre amphithéâtre. Et voilà, c'est signé. Oh. De ma main. Laurent Constantin. Bravo, Laurent Constantin. Il y a tellement de sujets là-dedans qu'on va en discuter un petit peu. Je ne sais pas par lequel commencer. Mettons, on commence par la fin. En effet, le look de l'université, on dirait que c'est voulu pour être le plus pêle-mêle possible. Ben, c'est spécial. On a plusieurs idées architecturales qui doivent sûrement venir de bureaux différents. Mais oui. J'ai quand même entendu, malgré tout cela, que le pavillon de la santé a été dessiné du même bureau d'architecture que le pavillon à la vie étudiante qui sont à des lieux différents. Complètement. Il y en a un qui a une face en bois, puis l'autre, c'est complètement vitré. Ça fait pas ensemble, mais au moins, ils sont à l'opposé. Tu sais, pas dans le même angle. Tu les vois pas nécessairement. Oui, on peut pas les voir d'un seul coup. C'est ça, mais le reste du temps, sérieusement, il me semble qu'une boîte d'architecture devrait se fier sur le design d'avant pour essayer de continuer là-dedans. Et mon exemple, à chaque fois que j'en parle, parce que c'est un sujet que j'aborde fréquemment, le fait que c'est vraiment laid, ça m'arrive. C'est la polyclinique sur des récollets qui ont engagé, je ne sais pas si c'était la même firme, les mêmes architectures, mais ça fit ensemble la nouvelle extension qu'ils ont fait. Mm-hmm. Ils l'ont modelé sur l'ancien look pour que ça donne un beau visuel. Ben, souvent, c'est d'essayer de créer une continuité. Oui. Je ne suis pas un pro dans le design ni l'urbanisme, mais je crois qu'il est quand même capable d'avoir une certaine trame semblable. Voilà. Moi, si je regarde, c'est le pavillon qui détonne le plus, le pavillon Desjardins, chaire de recherche de PME, qui est un peu une maison de campagne verte, c'est grise. Un chalet. Un shack. Notre maison au Canada, notre cabane au Canada. Donc, c'est un peu spécial de voir ça. Au moins, il y a un souci de moderniser le Pierre Boucher qui avait une entrée au sous-sol qui était assez délabré. Oui. Là, on aurait pu dire un ghetto. Un ghetto. C'est ça. C'était le bidonville. On a acheté au moins une belle entrée, une belle cage d'escalier d'ascenseur. On peut encore rappeler aussi la fameuse salle de bain et la fameuse douche que la rectrice est payée dans ses bureaux. Exactement. Il faudrait, je pense, voir ça, la nouvelle entrée. Mais sinon, on dirait qu'à chaque fois qu'ils font un nouveau pavillon, il suffit à... Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, tu sais? Oui. Comme ça a été les vitres il y a quelques années pour le pavillon de la santé. Et là, le bois est bien à la mode sur toutes les bâtisses qui se bâtissent à Trois-Rivières. Mm-hmm. Toute la gang sont en bois, fait bon. Sinon, pour le stationnement du CAPS, Colin, moi, j'avoue qu'ils ont fait l'asphalte au complet. Je sais pas si c'était nécessaire. On les a pas vus faire tant que ça cet été. Hein? Ben, moi, j'ai vu beaucoup de camions pour un seul petit stationnement. Oui, ça s'est fait quand même rapidement. Oui. Parce que il y avait pas d'autres stationnements à faire, j'imagine, à Trois-Rivières. Mais malgré tout, c'est ça, j'ai jamais vraiment remarqué qu'il y avait une nécessité. Il y a quelques deux ans, je pense qu'il avait déjà fait une extension dans le bois. Il avait enlevé tous les arbres qu'il y avait là pour faire l'extension du stationnement. Là, il y a eu certains également pour permettre que s'il y a de la pluie, ça s'écoule bien dans les bouches d'égout. Mais au fait, si vous doutez un peu des chiffres que j'ai émis, 210 000 $ pour les affiches, 270 000 $ pour le stationnement, eh bien, c'est des chiffres qui sont publics, qu'on peut trouver sur le site des appels d'offres publics du Québec. Donc, d'où sortent les chiffres. Ils ne sortent pas du néant. On te fait confiance que tu sors pas ça de tes fesses. Non, je me dis, je fais du journalisme d'enquête. C'est ça. C'est J-E-U-Q-T-R au lieu de J-E-U-Q-T-R. J'essaie de trouver une autre façon d'insérer. C'est laid. On va trouver un concept. Tu as parlé de l'affichage, du marketing, dans le fond, des entrées de l'UQTR qui ont changé tantôt dans ta chronique Voyage au centre du campus. Et on parlait de priorité à l'UQTR, de refaire ces pancartes-là alors qu'il aurait pu donner des années d'études gratuites aux étudiants ou quelque chose comme ça. Ou peut-être guérir le cancer avec l'argent de la recherche. Oui, c'est sûr. C'est ça. Mais Colin, l'entrée de l'université, tout le monde passe devant à chaque place. À un moment donné, il faut les changer. Il était complètement défriché, c'était comme un vieux béton, on avait dit, tu sais ça, tout un vieux béton, on a dit qu'il sortait d'une carrière parce qu'il était comme tout un peu, la façon qu'il était taillé, c'était un peu spécial. Ça manquait de soin. Des lettres en fer forgé, il manquait des lettres en fer forgé. Oui, on aurait pu en refaire des juste lettres. Juste les lettres, oui. Mais on dirait qu'ils n'auraient pas été plus beau quand même. Non. Moi, je pense qu'ils auraient utilisé un peu les anciens. Dans le fond, les poutres de béton qui tiennent la pancarte sont encore là. Est-ce qu'ils ont juste affiché, on dirait, la pancarte d'aluminium par-dessus? Oui, dans le fond, c'est vraiment une affiche qui recouvre l'ancienne affiche. La seule, dans le fond, qui est nouvelle, c'est celle sur l'entrée de des forges ou des permarkets, je m'en rappelle plus. C'est le proche des jardins, comme tu as dit tantôt. Exactement, parce que c'est une nouvelle entrée, donc il n'y avait pas d'affiche. Donc, c'est une des raisons de l'UQTR qui sont dit que c'était nécessaire de s'afficher sur chacune de ces entrées. Donc, ils ont acheté une, dans le fond, nouvelle pancarte au complet, et le reste, c'est juste des devantures qu'ils ont rajoutées par-dessus. Fait que ça, c'est pas de grosses dépenses, c'est même du nécessaire. Ben, c'est ça. C'est nécessaire, mais c'est pour ça que je reviens plutôt dans le texte. Ouais. Oui, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est un bon choix du point de vue esthétique de mettre de l'aluminium par-dessus? T'sais, ouais, ça fait pas ensemble la pierre et l'aluminium, ouais. Si on le sait. C'est J'habite sûr. Juste sur la rue Sainte-Marguerite et je la vois du balcon, l'affiche. Et j'ai fait un peu d'espionnage en disant « Ah, il monte une nouvelle affiche. Ah. Un scoop. » Et je la vois qui est toujours pas montée et je la vois surtout qui est sur un fond d'épinettes et d'autres sapinages. Et je me disais, un gris aluminium par-dessus un beau fond de verdure, je trouve que ça... C'est vrai qu'en plus, l'UQTR se dit comme une université genre super verte, et le poumon de l'UQTR, exactement, développement durable. Ça fait vraiment bizarre. Et en plus, on dirait que tant qu'à changer, ils se sont dit, on va y aller comme futuriste un peu. Mm-hmm. On dirait genre une pancarte que tu verrais dans Jetson, genre dans le générique d'ouverture, quand George Jetson arrive à l'usine. Belle référence, c'est bon. En tout cas, donc je trouve ça cool quand même. Et puis sinon, le marketing de l'UQTR, savoir surprendre, leur slogan qui reste, tu t'as fait référence en disant savoir t'irait surprendre. Oui, j'ai fait un peu, un slogan valise, si on peut dire. J'ai inséré le slogan de touriste Trois-Rivières à l'intérieur. Là, juste un petit clin d'œil, si on peut dire. Ouais. Et on a aussi parlé de l'ascenseur dans le Pierre Boucher. Tu dis qu'il y a un ascenseur dans lequel tu peux passer directement à l'entrée pour monter en haut? Oui, dans le fond, c'est que... le Pierre Boucher, c'était pas accessible du tout pour les gens en mobilité réduite. Donc, si quelqu'un avait de la recherche à faire, était à mobilité réduite ou avait un cours, parce qu'il y a quand même des salles de classe dans le Pierre Boucher, eh bien, il n'avait pas accès à ces classes-là. Donc, c'est pour ça qu'un... C'est un grand escalier en entrant. Ouais. Je me rappelais pas, t'as bien raison. Donc, donc, si on peut dire, l'ascenseur donne sur le sous-sol, qui donne en fait sur l'entrée un peu, le petit stationnement. Et ça permet de pouvoir voir le monde. Se bouger, voilà. Là, est-ce que j'ai oublié quelque chose? La chronique est complète. Donc, d'accord. On peut se dire à lundi prochain. J'attendrai ton signal la prochaine fois. Donc, merci encore une fois, Larry. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. L'heure est venue pour ton dîner dans une bouteille. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! On est au moment tant attendu. Et j'ai fait exprès pour vous mettre la trame qui a joué tout l'été, les mercredis à midi. Eh bien oui, c'était ton dîner dans une bouteille. Sûrement que ça reviendra l'an prochain pour une pro. C'était la première session, la première saison, je pourrais dire, parce qu'on n'était pas durant la session d'été, mais oui, on l'était. Mais bon, hein? On se reprend les esprits. C'est le moment tant attendu pour moi, sûrement pour vous aussi. J'espère que vous avez eu le temps d'aller vous en chercher une petite à la barrique. Et qu'est-ce qu'on déguste, aujourd'hui? Eh bien, ça nous vient de la brasserie du Dieu du ciel. Et c'est la Charbonnière. Non, pas la Charbonneau, la Charbonnière. Si je vous fais la petite histoire de cette bière, en tout cas ce qu'on nous dit sur la bière, eh bien, je vais y aller avec ce poème. Brassée dans la tradition des Roach Beer, les bières fumées de la région de Bamberg en Allemagne, eh bien, cette ale ambrée offre un arôme malté et fumé. En bouche, elle est ronde, maltée, légèrement sucrée et avec un caractère de fumée qui s'exprime abondamment à chaque nouvelle gorgée. Son goût prononcé de fumée provient de l'incorporation durant le brassage de malt fumé au bois. Donc, justement, comme ingrédients, on a de l'eau, de l'orge maltée fumée, de l'orge maltée, du blé, des houblons et bien sûr de la levure. Sinon, ben, le meilleur truc, c'est d'aller se l'ouvrir, cette bière. Donc, on fait ça à l'instant. Je vais chercher les petits, les outils. On baisse la trame et puis on y va. Merci, monsieur. Ouf! À la minute où on débouche cette bière, eh bien, on se retrouve près du feu de camp. Hein? On se retrouve un peu comme, tu sais, quand on a été autour du feu de camp et puis on sent notre hoodies, notre petit manteau d'automne et qui sent un peu la fumée. Eh bien, c'est ce que ça sent avant même de la couler dans le verre. On y va. Donc, une belle bière foncée, ambrée, mais pas noire, vraiment pas noire. Je dirais qu'elle est plutôt ambrée brune, très, très foncée. Par contre, elle est très claire. Il n'y a pas de film dessus. Tu vois qu'elle est filtrée, cette bière. Donc, elle a une belle, belle couleur. Elle ressemble un peu à la couleur d'une bouteille de bière brune, là. Mais donner une petite note de rougeâtre là-dedans, et puis c'est ce que ça donne. Et puis je m'envoie une petite rasade avant de repartir la trame, et puis de parler de cette bière pour vrai, là, hein? On va en parler pour vrai. OK. Moi, je me rappelle de la Calumet à l'époque. C'est la première bière fumée que j'ai goûtée. C'est pas tellement mon type. C'est, comment je pourrais dire? Moi, ce qui me reste vraiment en bouche, c'est le fumé. Et puis, ça me fait penser à un des gars tantôt à la barrique. Et moi, je disais feu de camp. Lui, il me disait bacon fumé presque. Tu sais, le bacon bits, le faux bacon un peu. Ça me rappelle un peu ça. Et je suis pas sûr de tant apprécier ce goût. Mais bon, on est là pour découvrir, déguster. Et puis, on va s'en envoyer une petite gorgée. Et puis, tantôt, dans quelques secondes, on va aller sur raidbeer.com pour voir qu'est-ce que les internautes nous disent de cette bière et qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, comment ils l'ont trouvée. Il faut dire que pour son style, elle a quand même une note overall de 95, ce qui est exceptionnel pour une bière du genre. Oui, mais il faut vraiment aimer le goût du fumé. En ce moment, c'est la folie du fumé. Hein? Tout le monde a un fumoir chez eux. Tout le monde veut se mettre à fumer des trucs. Dans les émissions de bouffe, on est toujours en train de montrer des trucs pour fumer. Eh bien, cette bière-là s'inscrit totalement dans ce mouvement. L'étiquette est très, très belle. On voit une jeune femme un peu tribale avec des barbells dans la bouche, des genres de piercing, etc. Et un feu de camp derrière elle. Et elle porte bien son nom, la Charbonnière. On y va avec, Bierluc. Ça arrive souvent qu'on lit de ses commentaires et de ses rates, ses critiques. Donc, Bierluc lui a donné un 3.8, ça c'est sur 5. Bierluc qui en a quand même noté 545. Lui, il a décrit comme une bière cuivrée aux reflets rougeâtres avec un impressionnant nez fumé. À date, cette description, je peux pas être en désaccord. C'est carrément ça. C'est une bière cuivrée, reflet rougeâtre et un nez fumé très intense. En bouche, eh bien, la bière est savoureuse. La fumée, moi oui, mais la fumée, personnellement, je trouve, prend beaucoup trop de place. Et c'est drôle, il dit « En bouche, la bière est savoureuse, la fumée prend beaucoup de place. » Moi, je trouve un petit peu. Il dit « Mais pas toute la place, justement. Elle supporte la base en ajoutant du corps et de la saveur. » Il dit que c'est vraiment la meilleure façon de boire de la boucane sans s'étouffer. Un bel exercice de style. Je suis assez d'accord, sauf que moi, je trouve qu'un petit peu, elle nuit à peut-être tout ce qui pourrait être plus subtil dans cette bière. C'est vrai qu'elle est ronde. Elle se boit bien, mais il faut vraiment aimer la fumée. Il y a des gens, là, quand ils sont autour d'un feu de camp, leurs vêtements qui sentent la fumée, il y a des gens qui trippent puis qu'ils n'ont pas le goût de laver le truc. Moi, je ne trippe pas de temps d'avoir une odeur de fumée comme ça sur moi, mais c'est exactement la même chose avec cette bière. Sinon, tiens, on va aller en prendre une autre. Quelqu'un qui en a critiqué 749, le Siffle-Bière. Il dit « Une des meilleures bières fumées du Québec ». Peut-être, oui. Odorante, boisée, une robe rouge-brun. Exactement ce que je vous ai dit tantôt. C'est brun-roux, brun-rouge. La fumée est bien balancée pour se marier au malt et au côté un peu caramel. Moi, justement, c'est le seul truc, c'est que je trouve que la fumée, pas tant balancée, je trouve qu'elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Mais tu sais, c'est une bière au malt fumé. Donc, si vous n'aimez pas la bière fumée, n'allez pas vous prendre une charbonnière. Mais si vous aimez ça, je pense que dans le style, avec un overall à 95 sur ratebeer.com, c'est une top des bières fumées. C'est seulement que moi, j'ai un peu plus de difficulté avec ce genre. J'aime mieux les stouts fumées, personnellement, que celle-là. Le pourcentage de bière, d'alcool est assez bas. C'est rare que je déguste des bières aussi basses, à 5,4%. Ce qui en fait une bière, par exemple, de journée et qui, justement, te scrape pas la journée parce que ça arrive, une bière à 9%, on a de la difficulté à fonctionner pour le reste de la journée quand on la boit à 11h, à midi, moins quart. Hein? On s'envoie notre petite gorgée et on va se faire une autre critique. Et celle-là, c'est de Viper 666 qui en a dégusté, lui, 2763. Je vais vous lire son petit poème dans quelques secondes. Bon. À déguster sur place, lui, il est allé directement au Dieu du ciel. On le sait, sur la rue Laurier à Trois-Rivières, à Montréal, c'est la place pour aller le boire. Sinon, il y a bien sûr à Saint-Jérôme, il y a la microbrasserie aussi. Il y a deux spots. Moi, je vais toujours être sur celui sur la rue Laurier à Montréal. Mais bon, je vous invite à aller la déguster sur place. Et surtout que le Dieu du ciel a toujours des produits de qualité. Pas nécessairement celui que vous voulez, mais je suis sûr que si vous dites au barman ou si vous êtes à la barrique puis vous dites à Xavier ou à un de ses vendeurs, moi j'aime tel truc, au Dieu du ciel, vous allez rarement être déçu par votre style de bière, comprenez? Donc, Viper 666 a dégusté sur place. Elle est de couleur ambrée, cuivrée et voilée. Non, ici, elle n'est pas voilée, justement. Elle est claire, claire, claire, bien filtrée. Le nez malté de caramel doux aux notes de rôti, je le sens pas. Fumée de bois, légère arôme de bacon, oui. Ça, je l'ai. La fumée de bois et le léger goût de bacon ou de faux bacon, il est là. Ainsi que de légers houblons herbeux et de noix. Moyennement rond en bouche avec un pétillant moyen. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun pétillant, aucune effervescence. Par contre, oui, elle est. Moi, je dis qu'elle est quand même assez ronde en bouche. Elle a une texture un peu huileuse, tout à fait. Goût de malt fumé. Gars, il dit moyen léger, jambon fumé. Ben, bacon ou jambon fumé, c'est pas mal la même chose, hein? Du bacon, c'est quoi? C'est du porc. Lors de l'entrée en bouche, suivi rapidement d'un goût malté de caramel, puis en finale, on retrouve une légère amertume de houblon herbeux. Pas tant. J'ai un petit goût d'avoine, de levure, pas d'avoine, de céréales. Oui, lui, il est là. Note de noix sèche. Un goût de noix. Un peu, mais comme j'ai dit, moi, tantôt, depuis tantôt, je vous dis, c'est qu'elle est vraiment occultée par le goût de fumée qui est, moi, pour ma part, un peu trop présent. Le post-goût est moyen-long, légèrement amer de houblon herbeux. Oui, mais le post-goût, moi, il est encore légèrement fumé et avec des notes totalement rôties, mais un peu trop, tu sais, rôties brûlées. Ou presque. On s'en va une autre gorgée et une dernière petite phrase, c'est Fred 182. Lui, il en a décrit 305. Il nous dit que sa bouteille de 341 ml est d'une robe ambrée brunâtre, une arôme de fumée en bouche. C'est de la fumée et de la melasse. Il dit que c'est une excellente roach beer. Eh bien oui, sûrement pour ceux qui adorent la roach beer, je vous la conseille tout à fait. Sinon, rendez-vous au 4170 Boulevard des Forges à Trois-Rivières, à la barrique. Et puis dites-leur ce que vous aimez. Et puis c'est sûr qu'ils vont trouver chaussures à votre pied ou bière à votre bouche. C'est peut-être ça qui serait le mieux de dire. Et puis, tiens, pour faire être dans le ton, on est avec la Charbonnière. Pourquoi pas aller écouter une pièce des Charbonniers de l'Enfer, une pièce originalement écrite et composée par Noir Désir. C'est Le Vent nous portera. Et là, c'est peut-être la bière qui nous portera. Donc, allez-y, les Charbonniers! Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant, lui. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Donc, les petits trous de mémoire post-opératoires ont parfois du bon. Après une intervention chirurgicale pour soigner une hernie en août dernier, Jason Mortensen, un citoyen américain de l'Utah, eh bien, ne se souvenait plus qui était Candice, la jeune femme présente à son chevet au moment où il s'est réveillé. Mais la confusion a vite laissé place à la joie quand cette dernière lui a révélé être son épouse, comme le montre cette vidéo. Donc, au début de la séquence, je vous irai voir, Jason, visiblement encore sous l'effet de la morphine, à peine à mâcher son biscuit et ne fait pas attention à la présence féminine à ses côtés. Après avoir échangé quelques mots avec Candice, il se tourne vers elle et l'assaille de questions. Est-ce que le médecin vous envoie? Est-ce que c'est le médecin qui vous envoie? Vous êtes littéralement un régal pour les yeux, commence-t-il, avant d'inspecter la jeune femme et de la complimenter. Vous êtes vraiment la plus belle femme du monde que je n'ai jamais vue. Êtes-vous mannequin? Quel est votre prénom? En réponse, la vidéaste lance « Alors, je m'appelle Candice, je suis ta femme, tu te rappelles pas? » Donc, oui, oh mon Dieu, j'ai touché le jackpot, s'exclame-t-il. Alors, sur le coup de l'étonnement et après avoir posé une série de questions concernant leur vie de couple à laquelle Candice répond bien volontiers, eh bien, depuis, il a retrouvé la mémoire et a publié cette séquence touchante sur YouTube où elle a déjà été visionnée par 4 millions de vues, lui valant d'être relayée par de nombreux sites anglo-saxons. Dans la description de la vidéo, le site de partage Jason précise « J'ai été opéré d'une hernie qui est apparue après une précédente chirurgie. J'aimerais vraiment me rappeler de ce moment, mais j'étais complètement à côté de la plaque. C'était ma 5e opération en 6 ans de mariage et elle a été à mes côtés lors de chacune de mes épreuves. C'est elle l'amour de ma vie. » Bon, c'est une belle histoire, mais vraiment anodine. Sinon, ici, intéressant, tenue de l'histoire. Tenue, oui, OK. Je veux juste voir ça. C'est un top 10 des pires tenues de l'histoire. Le top 10 des mots impossibles à traduire, même pour Nelson Montfort. OK. Oui, tiens, on y va-tu? Ça peut être drôle. Sinon, des idées reçues en Inde, les drapeaux les plus moches. Tiens, on va y aller avec... je vais me faire plaisir et puis vous, je vais vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir vraiment rire de moi. Parce que vous allez voir, là, c'est de la prononciation assez extraordinaire. Hein? C'est la classe, pardon, d'être polyglotte, mais pour nous empêcher d'atteindre ce statut sexy et envié, eh bien, il semble qu'on s'acharne à nous mettre des bâtons dans les roues. Vous m'avez vu tantôt, j'ai eu de la misère à lire un titre en anglais. Dès qu'il y a quelque chose, des fois, mon cerveau, il est comme ailleurs et puis ça marche pas. donc, ça fait chialer tout le monde. On y va avec des mots qui est les mots les plus intraduisibles du monde. Et je vous le dis, même quand je vais le lire, ça va être tout croche et je vais le scraper, c'est sûr. Donc, on y va avec ce petit top des mots vraiment compliqués et impossibles à traduire, ou presque. Donc, c'est un mot inuit. Ça se dit Iktsuarpok. Ben, en tout cas, c'est ce qui a de l'air d'être écrit en français. Et l'impression mêlée d'impatience lorsque quelqu'un est sur le point d'arriver et qui nous incite à sortir pour vous vérifier. Donc, arrête ton Iktsuarpok, il t'a dit qu'il serait 5 minutes en retard. Donc, c'est quand tu regardes, là, vois si quelqu'un arrive, tu sais, t'es bien, t'as hâte qu'il arrive, là, tu sais, t'es en impatience de l'attendre. Sinon, en japonais, cette fois-ci, Komorebi. On nous dit que c'est la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles d'un arbre. Ça, c'est très beau, hein? Komorebi. C'est magnifique, cette traduction. C'est parfait. Ça se dit pas, mais c'est merveilleux. Mais ça se dit, mais... Je veux dire, nous, on n'a pas le même mot en anglais. Ça nous prend ou en français, ça nous prend une phrase pour le dire. Pochimuchka. Ça, c'est en russe. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. OK. Sobremesa. Ça, c'est en espagnol. C'est le temps qu'on passe après un repas à discuter avec les convives. Ah, c'est bien ça. Ah, puis là, on a des petits exemples. Donc, la sobremesa n'en finissait plus, heureusement, qu'il restait un fond de gnoll. De gnoll, pardon, d'alcool. Hein. Oui. Donc, sinon, en indonésien, jayus. C'est une blague tellement pas drôle qu'elle nous fait rire. Ouais, OK. J'aime ça. Goya, c'est en ourdou. Et la définition, c'est la sensation de crédulité qui survient lorsqu'une histoire qu'on sait fausse nous est vraiment, vraiment bien racontée. Je sais que c'est des conneries, mais cette histoire de fin du monde, ça m'a mis tout Goya. Donc, on est heureux de se faire conter des légendes. Du girboots. Girboots. Est-ce que tu sais c'est quoi du girboots? C'est en hébreu. Ça veut dire se gratter les couilles, littéralement. c'est se gratter les couilles. Girboots. En hindi, jali. Le mot jali en hindi, c'est une fille têtue et stupide, mais pas méchante. Il peut être utilisé comme une insulte ou comme un synonyme d'attachant. Ta mère est la jali. Ta mère est la Jali, ça veut dire qu'elle est peut-être têtue, stupide, mais pas méchante. Donc, peut-être dure. Peut-être dure un peu, ça fait ça, mais c'est pas nécessairement quelqu'un de méchant. Tinga, c'est en iban. C'est un bout de nourriture coincé entre les dents. Donc, t'as une tinga dans les dents, tu sais. J'ai un tinga, non, toi, non, moi. Donc, oui, OK. La traduction, c'est tiens le cure-dent, nous dirait. Il y a des traductions qui sont... proposé. Hein? C'est comme tantôt pour en espagnol, la sobremesa, c'est la digestion. Digesticution. Hein? Tantôt en Russie, quelqu'un qui pose beaucoup de questions, la traduction serait c'est quoi cette bouteille de lait? En tout cas, hein, les ils se perdent un petit peu. Winter cheering, c'est en vieil anglais. C'est la tristesse que l'on ressent quand l'hiver est long et froid. On a vraiment un beau maussade ici au Québec et ce mot devrait être utilisé. C'est tristivère. triste hiver, qui pourrait être utilisé comme traduction. Et le mot le plus intraduisible de l'univers, qui se dit Manila Pinatapay. Manila Pinatapay, qui est en yaga. Et c'est la définition, c'est un regard partagé entre deux personnes dont chacun espère que l'autre va prendre l'initiative de quelque chose et les deux désirent, mais qu'aucun ne veut commencer. C'est le mot le plus succinct du monde, selon le Guinness Book des records. Donc, la traduction, c'est « vas-y, toi ». Hein? Donc, oui, ça arrive souvent, mais on attend que l'autre fasse le move. Bien intéressant, mais bon, pas nécessairement facile à rendre. Sur ce, il est 12h38, on va aller en musique avec un segment des mille et une chansons qu'il faut avoir entendues dans sa vie. Et on y va comme ça avec la formation de Bobby Gentry. La pièce s'appelle « Ode to Billy Joe ». Pour la petite histoire, eh bien, l'auteur est Bobby Gentry, la production c'est Kelly Gordon, le label c'était sur Capitol et l'album était l'album homonyme Ode to Billy Joe de 1967. Après avoir chanté de la variété dans les casinos de Las Vegas et les clubs country de Beverly Hills, Bobby Gentry a retrouvé ses humbles racines, le comté de Chickasaw dans le Mississippi, pour enregistrer son premier disque chez Capitol Records. Après qu'on lui a donné Mississippi Delta en face A, eh bien, elle a proposé pour l'autre face une chanson de sa composition Ode to Billy Joe. Une excellente idée, avec 8 nominations au Grammy et une première place dans le Billboard. Il a été un énorme succès international. La chanson, elle, raconte l'histoire d'un certain Billy Joe McAllister, petit ami de la narratrice qui se suicide pour des raisons inconnues. La nature mystérieuse de cette mort s'unit à l'absence de réaction de la famille quand elle apprend la nouvelle au cours du dîner pour donner un ton lugubre à la chanson. Rehaussé par un arrangement pour cordes plutôt austère et par la guitare à cordes en nylon de Gentry, eh bien, ultérieurement, il sera demandé à l'auteur Herman Rocher d'écrire un roman et un script fondé sur cette même histoire. Billy Joe et la narratrice jettent quelque chose du pont de la Tallahatchie et c'est dans le film Une poupée de chiffon et Billy se tue par crainte d'être homosexuel. OK. C'est bizarre, par exemple. Gentry a rejeté cette version, la chanson n'étant, selon elle, qu'une pure fiction. Joe Dassin, elle, chantera en français « Marie-Jeanne, où l'atmosphère du sinistre repas est bien restituée. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, « La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. » Sur ce, dans le segment des mille et une chansons qu'il faut avoir entendues dans sa vie, eh bien, on y va dans le dîner de cons. Avec la pièce Ode to Billy Joe. Vas-y, mon gars. Vas-y, ma fille, pardon. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. And brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. Wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Hot to Billy Joe par l'artiste Bobby Gentry. Ben, moi, je suis bien content. C'était dans le segment des 1000 chansons qu'il faut avoir entendues et savoir apprécier dans sa vie. Premièrement, moi, j'ai découvert cette pièce-là. Souvent, je pense que c'est la première de la première de les trois saisons. Ça fait deux sessions que je fais ça. Puis c'est la première fois que je découvre vraiment une pièce nouvelle. Et je connaissais même pas cet artiste, Bobby Gentry. Désolé pour mon incultitude. Désolé pour mon ignorance. Mais oui, j'ai bien apprécié. J'espère que vous aussi. Sur ce, eh bien, on continue comme ça avec des nouvelles dans le monde de l'insolite. Et tiens, on va aller parler... oui. Il fait quand même assez chaud dehors, c'est assez humide, oui, encore. Mais il y en a qui fait encore pas mal plus chaud que ça. C'est en Moldavie. Les images, vous allez voir la vidéo sur la page Facebook du Netcon, est assez intéressante. Donc, il fait si chaud là-bas en ce moment qu'il n'est pas rare de voir des routes goudronnées fondre comme une glace au soleil. De quoi prendre au piège des passants. Et c'est ce qui est arrivé dans cette vidéo. Donc, des records de chaleur ont été enregistrés là-bas. Et une chaleur si écrasante que par endroits, elle est même parvenue à piéger quelques piétons en permettant au bitume qui servait à recouvrir, bien sûr, les routes de fondre complètement. Et puis sur la vidéo, il y a une jeune mère de famille accompagnée de son petit enfant qui essaye de passer à travers la rue et leurs chaussures sont collées littéralement à l'asphalte. Et puis là, quand la dame met ses trucs à terre, son sac d'épicerie, etc., tout reste collé, tout reste gluant. Je vous invite à aller voir ça, c'est quand même assez drôle. Donc, à voir. Et puis, on nous dit, par rapport à cette vidéo-là aussi, que en Russie aussi, comme en Moldavie, la Russie connaît parfois des étés de très, très forte chaleur. Et les routes peuvent se mettre à fondre aussi, pareil comme en Moldavie. Et donc, on voit un véhicule, c'est une autre vidéo et qui est en rapport à celle-là, et un vidéo qui décolle littéralement l'asphalte de par terre. L'asphalte, elle, se met à coller sur les pneus. Et c'est assez spectaculaire. Donc, si vous trouvez qu'il fait chaud en ce moment, plaignez-vous pas. Premièrement, l'automne s'en vient. Fait que profitez des derniers temps de chaleur. Puis sinon, ben dites-vous qu'il y en a des bien pires. Sinon, du côté animalier, c'est vers le Japon. 280 chasseurs traquent un singe méchant. Alors, le méchant singe. Donc, pas moins de 280 chasseurs, pompiers, fonctionnaires ont été déployés cette semaine dans une ville japonaise pour attraper un macaque qui mordait et terrorisait la population. Donc, c'est un porte-parole de la bourgade de Hyuga sur l'île de Kunyushu au sud qui a expliqué que ce singe finalement capturé était accusé d'avoir attaqué 18 personnes depuis la fin du mois d'août. De nombreux résidents ont été mordus et blessés. C'était un grave problème pour la ville. Un véritable bataillon de 280 personnes ont été mobilisés lundi dernier, donc avant hier, pour traquer le primate, finalement débusqué et attrapé dans une maison abandonnée. Il s'agissait de la seconde tentative de grande ampleur pour capturer cette créature. Après une première battue organisée en vain dimanche dernier avec pas moins de 500 personnes, dont de nombreux policiers. Après la capture de l'animal, la municipalité a essayé de placer l'animal auprès de zoo ou d'université de la région, mais personne n'en voulait. La bête a alors été euthanasiée. Des agents de la force publique continuent néanmoins de patrouiller les rues de la ville au cas où d'autres singes tourneraient mal. Les macaques vivent toujours très nombreux dans les collines boisées autour des campagnes japonaises. Et puis, ils viennent voler de la bouffe, un peu. Sinon, côté technologique et côté radio, on est ici. On apprend justement que iTunes Radio lancera son service dès le 18 septembre. C'est un service de streaming de musique comme... c'est dans le fond, comme le service de streaming de musique Pandora d'Apple. iTunes Radio sera lancé au grand public le 18 septembre. La firme a annoncé son événement à Cupertino, bien sûr. Le service iTunes Radio a d'abord été dévoilé à la Worldwide Developer Conference en 2013. Et il n'était disponible... Et depuis, il n'était disponible qu'aux développeurs. Donc, iTunes Radio sera lancé en même temps que l'iOS 7, qui a été lancé hier, me semble. Et à son événement média, donc, Apple a effectué de nombreuses annonces. Il a développé de OK, est-ce qu'ils vont nous dire quoi? Non, le temps fort d'événement. OK, les clients seront abonnés à iTunes Match pour $24.99 par année. Ils auront une expérience sans publicité. Même si iTunes Radio a été appelé Pandora Killer par de nombreuses personnes, Pandora ne sera pas laissé impressionner. Il pense que le service apportera à Apple un équivalent à d'autres services de streaming de musique en ligne. Bon, ben c'est ça. Hein, c'est pas très intéressant. Ici, intéressant quand même, intéressant dans l'inutile total, là, ça c'est sûr. C'est la Chine qui a prêté deux pandas à la Wallonie au lieu d'à la Flandre. Ça doit faire chialer en Belgique. Ici, intéressante, c'est un opérateur d'une porcherie qui a été condamné pour le cri de ses cochons. Donc, cet opérateur de porcherie industrielle a été reconnu coupable mercredi par un tribunal français de ne pas avoir protégé des cris des cochons à un ancien employé devenu sourd. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-la-Saunier a reconnu la société Pellazzarini coupable de faute inexcusable pour ne pas avoir protégé Serge Personnei, 49 ans, contre le cri strident des cochons, et ainsi que le bruit des machines de la porcherie. Sa sourdité avait été reconnue comme maladie professionnelle en 2012 et son préjudice global sera estimé ultérieurement au terme d'une expertise médicale ordonnée par le tribunal et la rente perçue pour sa maladie professionnelle sera majorée. Le monsieur nous dit « Je suis très content, ça fait 5 ans que je me bagarre et finalement la justice a reconnu la faute de mon patron ». Monsieur Personi a été employé de septembre 2001 à février 2008 dans trois porcheries de la société Pellizzari dans les Doubs et le Jura. Le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour protéger son employé du bruit. Mesuré entre 121 et 133 décibels au moment où les cochons sont nourris. Après la réglementation en vigueur, les employés doivent recevoir des protections lorsqu'une exposition sonore dépasse les 85 décibels. On le sait, c'est à 90 décibels que c'est vraiment plus bon. Fait que quand ça dépasse 85, faut se protéger un peu. La Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, qui défendait le requérant, a estimé dans un communiqué que l'employeur avait conscience du danger couru par la victime, qui travaillait 8 heures par jour et 7 jours sur 7 dans le bruit des machines et des hurlements de 4000 porcelets et cochons. Mais 8 heures par jour, 7 jours semaine. Pas jamais de vacances, OK? Et pour l'avocat de la société, eh bien, la sourdité de l'ancien porcher a été provoquée par des activités précédentes. Avant de travailler chez nous, M. Personi a une activité de bûcheron et un niveau sonore très élevé. Là, ils se sont chicanés, mais gars, ils ont donné raison à l'opérateur et c'est tant mieux. Ici, une petite vidéo intéressante, mais vraiment qui veut rien dire, là. C'est un ovni qui a été filmé lors d'un match de baseball à Vancouver. Un match amateur. C'est le 3 septembre dernier lors d'un match au stade Nate Bailey. Eh bien, les spectateurs ont assisté à un show 2-1. Alors que les joueurs s'activaient sur le terrain, un autre spectacle se déroulait dans le ciel. Lors de la sixième manche, un spectateur intrigué a orienté sa caméra vers le ciel et a capturé des images de ce qu'il semblait être un ovni, pardon. Filmée par Jason Fuller, cette vidéo a rapidement fait le tour du web. relançant l'éternel débat quant à la présence d'extraterrestres dans notre environnement. Cet objet dans le ciel peut-il être un ovni? Jason Fuller a en tout cas eu la sensation que ce dernier n'avait pas sa place au-dessus du stade à ce moment-là et en a filmé la scène. La présence de cet appareil soulève un bon nombre de mystères. L'objet présentait des lumières bleues et qui ont attiré le regard des supporters. Le site de Province avance qu'il pourrait s'agir d'un cerf-volant lumineux ou d'un appareil télécommandé. D'ailleurs, Marc D'Antonio, spécialiste vidéo du site Mutual UFO, tend à confirmer cette hypothèse. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à un drone. De plus en plus de gens en ont et de plus en plus on en voit ces genres d'hélicoptères à quatre hélices. Ça peut être facilement un drone déguisé, mais effectivement, ça ressemble à une soucoupe volante, en tout cas l'idée qu'on se fait d'une soucoupe volante. Le spécialiste, lui, souligne également que c'est le manque de réaction de la part du vidéaste qui le pousse à affirmer qu'il ne s'agit là pas d'un ovni. D'ailleurs, d'après lui, il pourrait même s'agir d'un montage vidéo pour nous faire croire que l'on est face à un objet non identifié. J'ai examiné le segment de la vidéo, explique-t-il, au Huffington Post, et je pense que quelqu'un essayait de créer un faux ovni en utilisant de l'imagerie générée par ordinateur. Ce qui est assez facile de plus en plus, j'en fais du montage vidéo et puis maintenant les outils sont vraiment de plus en plus simples pour pouvoir incruster des trucs en genre de 3D ou en faux 3D. Et l'année passée, on se rappelle, hein, cet aigle qui s'envolait avec le bébé là sur le Mont-Royal, ça l'a fait parler beaucoup. Et donc, c'est assez simple d'ajouter un petit un genre de faux véhicule volant de forme sphérique avec des lumières en dessous. Mais bon. D'après Marc D'Antonio, justement, il y a davantage de chances que cet objet volant non identifié soit en réalité un drone. Exactement ce que j'avais dit. En effet, l'appareil semble assez stable, ce qui permet d'éloigner la thèse du cerf-volant. Toutefois, on attend toujours une explication claire qui fera disparaître tout soupçon lié à un possible OVNI. OVNI pourrait fonctionner quand on dit objet volant non identifié. Ça veut vraiment pas dire que c'est des extraterrestres, c'est juste que c'est un objet volant qui est non identifié. Cependant, les joueurs et les spectateurs locaux aiment à penser que ce sont les extraterrestres qui leur ont porté chance. Ce jour-là, l'équipe de Vancouver a battu celle d'Everest Aquasox 5-1. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Un show très spécial pour la bonne cause, et ce, à Amsterdam. Ce sont des prostituées du quartier rouge d'Amsterdam qui ont mis en scène un show original pour dénoncer le trafic d'êtres humains. OK. Mondialement connu pour son ambiance populaire et ses vitrines à prostituées autant couleurs, le quartier rouge, le Red Light d'Amsterdam, est parfois le théâtre de scènes très cocasses. Il y a un peu plus d'un an, les jeunes femmes présentes dans cette vidéo ont ainsi offert un spectacle de danse étonnant aux badauds logeant les canaux. Le but était de dénoncer les trafics d'êtres humains. Au début de cette séquence qui a été publiée en 2012 sur YouTube, eh bien les jeunes femmes, très légèrement vêtues, n'hésitent pas à jouer de leur charme face aux passants et à inciter ces derniers à rejoindre pour un tête-à-tête, mais soudain, l'une d'entre elles se met à trembler violemment, intriguée. Les promeneurs se figent, tandis que les trois autres demoiselles se mettent tour à tour à danser et rapidement imitées par les deux autres performeuses présentes dans les cabines situées à l'étage. À la fin du show et après un tonnerre d'applaudissements, un écran qui surplombait la scène affiche alors un message en noir et blanc. Chaque année, des centaines de femmes se voient promettre une carrière de danseuse en Europe de l'Ouest. Malheureusement, elles finissent ici. Hein? Donc, organisé par l'ONG Stop the Traffic et réalisé par le cabinet publicitaire Duval-Guillaume, cette campagne avait pour but de sensibiliser les Néerlandais à la dure réalité de l'esclavage moderne. Un pari qui semble réussi et qui a vu des expressions de surprise, des spectateurs à la fin du show. Il faut dire que depuis les années 90, le trafic d'êtres humains a triplé, faisant passer de 2,4 millions de nombre de personnes qui chaque année sont victimes de la traite d'êtres humains dans le monde. Un problème de société qui touche décidément les Pays-Bas, puisque d'après les statistiques, près de 33% des prostituées du pays sont clandestines et venues de régions extérieures à l'Union européenne. Donc, c'est ça, encourager le red light, c'est, oui, encourager peut-être le trafic d'êtres humains. Et puis, c'est là que la question se pose, puis moi, je suis pour là, la décriminalisation, la légalisation de tout, à peu près, parce que c'est beaucoup mieux régir les trucs que tout interdire et puis après mettre des gens en prison ou des trucs du genre. Sauf qu'on voit ici le problème que ça cause quand même. La prostitution est légale là-bas et il y a beaucoup de trafic d'êtres humains. Est-ce que si on ferait ça à la grandeur de la planète, ben je pense que ça serait mieux justement parce que là, c'est que les gens s'envoient tout là-bas. Je pense que si c'était à la grandeur de la planète, si la prostitution était légale partout, dans plusieurs pays, souvent les pays que ces filles-là viennent, eh bien, il n'y aurait pas besoin de se faire vendre, en tout cas, c'est une question épineuse. Ici, question technologie et question météorologique, je dirais. Le réchauffement climatique, on nous dit une pause et le début d'un refroidissement global. On se pose beaucoup de questions sur notre planète. On pense la comprendre, mais pas tant. Donc, c'est une étude du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui vient d'établir que le montant de glace dans l'océan Arctique a augmenté de 60 % par rapport à la même période à l'an dernier. Alors, quelle conclusion en tirer quand nous sommes supposés être en plein processus de réchauffement global? Donc, le réchauffement global, non, nous sommes en voie de refroidissement revendique des scientifiques. Ce que titre le Télégraphe qui dénote une tendance surprenante alors que les annonces pessimistes s'enchaînent quant au réchauffement climatique dans l'océan Arctique, eh bien, on vient d'enregistrer un développement d'un record de la calotte glaciaire. Comme j'ai dit tantôt, elle a augmenté de 60 % à la même période, ce qui représente près de 3 millions de kilomètres carrés de glace supplémentaire en une seule année. Ça doit être les ours blancs. Les ours polaires doivent être très, très contents de tout ça parce que, eux, le réchauffement climatique, ça ne lui fait pas du bien. Alors que le rapport scientifique, bien sûr, s'alarme quant au réchauffement global et que les médias et la sphère politique s'en préoccupent de plus en plus, ce constat dérange. Faut-il repenser notre vision de la situation climatique et comment les scientifiques interprètent-ils ce phénomène? Assez étrange, hein, les questions qu'on peut se poser, vraiment. Donc, on nous dit que ce serait une pause. C'est pour vrai, c'est un peu comme une pause qui apparaît. Donc, la progression des glaces est telle que le passage nord-ouest entre l'Atlantique et le Pacifique reste bloqué par la banquise en plein été arctique. Certains scientifiques tirent une conclusion instinctive de ce phénomène. Nous entamerions une période de refroidissement global qui serait vouée à ne s'achever qu'à la moitié de ce siècle. Mail on Sunday rappelle qu'un débat mené il y a près d'un an par des hommes politiques et des scientifiques avait déjà estimé que le réchauffement global était en pause depuis 1997, une évolution qui défiait tous les pronostics et paraissait encore extravagante aux yeux du grand public jusqu'à ce que la nature nous en fasse la démonstration avec cet incroyable regain de glace dans l'océan Arctique. Cette pause apparaît d'autant plus conséquente que les modèles de prédiction climatique jusqu'alors institués ont conduit les gouvernements à dépenser des milliards de dollars en mesures écologiques visant à endiguer ces changements climatiques supposés. Ben ça, moi, par exemple, faudrait pas se dire « Ah, go, c'est correct, c'est pas grave, pas de trouble. » Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Hein. Je pense qu'il y en a un problème de pollution. Ça, c'est officiel. Je pense juste qu'on n'a pas beaucoup d'impact sur le changement en tant que tel climatique. Moi, mais ça, c'est juste ma façon de penser. Hein. Donc, si cette pause suivie d'un refroidissement durable était avérée, les conséquences pourraient donc être considérables. Ces dernières révélations ont conduit l'ONU à tenir une réunion de crise, son organe de groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, devait initialement publier son 5e rapport d'évaluation, publié seulement tous les 6 ou 7 ans en octobre prochain. Mais face à ce constat, eh bien, ce ne sont pas moins de 1500 changements qui vont devoir être opérés en dernière minute. Dans l'état actuel, le GIEC avoue ne pas avoir d'éléments suffisants pour déterminer avec certitude ce qui est à l'origine de cette pause dans le réchauffement climatique qui devient même un refroidissement. Deux questions restent en suspens, comme le rappelle le Daily Mail. Dans quelle mesure la température augmente-t-elle avec le taux de dioxyde de carbone et quelle part du réchauffement global des 150 dernières années, environ 0,8 degrés Celsius, jusqu'à présent, est due à l'émission humaine de gaz à effet de serre et à laquelle peut-on être induite par des variations naturelles? Exactement un peu ce que je disais, de façon plus compliquée, c'est que est-ce qu'on a vraiment un impact? Tu sais, dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça fait du sens ici, là, parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas autant d'influence qu'on le pense. Par contre, quand on voit des continents de plastique à la dérive dans l'océan, on voit qu'on a une grosse influence et puis qu'on en fait des déchets, on en fait de la shit. Il faut se ramasser et puis il faut continuer à investir des milliards de dollars dans la contre la pollution, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut peut-être être un peu moins alarmiste, hein, parce que ça, on est bon là-dedans. On nous dit que dans les prémices de son rapport, eh bien, le GIEC estime que l'homme serait à 95% du réchauffement global. 95%. Pour le professeur Judith Curry, ce constat serait bien trop attaché au relevé informatique focalisé sur le dioxyde de carbone. Pour elle, il s'agit plutôt du fruit de cycle à long terme suivi par les températures de l'océan qui ont une grande incidence sur le climat global. Elle révèle d'ailleurs qu'un tel phénomène avait déjà été observé de 1965 à 1975, suscitant alors le même emballement. Le GIEC revendique que ces modèles montrent une pause de 15 ans peut-être attendue. Mais cela signifie que quelques années plus tard, ils devront admettre qu'ils ont tort. C'est par quoi c'est prononcé le professeur Anastasio Tsoni de l'Université du Wisconsin. En effet, le GIEC reconnaît pourtant que la fonte totale de la glace lors de l'été arctique est imminente, dénotant un certain paradoxe. Il semblerait effectivement que la régénération des glaces suive un mouvement cyclique, comme l'histoire l'indique. Après les fontes massives des années 20 et 30, eh bien, elles ont laissé place à un refroidissement important qui ne s'est terminé qu'en 79, année à laquelle le GIEC a commencé à constater un nouveau mouvement de la fonte des glaces. Gros, gros, gros dossier. Et puis, personne n'a encore raison. Moi, je vous dis juste de faire attention. On ne peut pas se mettre à dire « Ah, il n'y a pas de réchauffement climatique. » Peut-être, oui, peut-être qu'il y a une pause, mais bon. Quelles sont les raisons? Quel est l'impact de l'humain là-dessus? Des questions qui restent sans réponse. Ici, une nouvelle qui m'a choqué, et puis ça va vous choquer, j'espère, vous aussi. C'est aux États-Unis, bien sur Internet, des parents échangent leur enfant adopté. C'est Reuters, le journal, qui révèle l'existence d'un réseau de groupes Yahoo et Facebook dédiés à l'échange d'enfants aux États-Unis. Wow! Certaines familles américaines qui connaissent des difficultés avec leur enfant adopté ont trouvé la solution à leur problème. Eh bien, elles s'en séparent sur Internet. C'est la démarche invraisemblable sur laquelle a enquêté des journalistes. Une journaliste en particulier de Reuters dans un reportage interactif en 5 parties publié du 9 au 11 septembre. Elle révèle ainsi l'existence d'un réseau de groupes Facebook et Yahoo dédié au Child Exchange. Bien compris, hein? L'échange d'enfants. La pratique s'appelle du private rehoming, du changement de foyer privé, et est directement inspirée du marché des animaux de compagnie. Wow! Elle est bien sûr illégale, ce qui n'empêche pas les parents d'exprimer très librement leur grief. Ainsi, une femme originaire du Nebraska qui a adopté un garçon guatémaltèque de 11 ans avoue dans son annonce « J'ai honte de le dire, mais nous détestons vraiment cet enfant ». C'est triste, par exemple, hein, parce qu'on peut pas on peut pas s'obliger à aimer, mais en même temps, pourquoi t'as voulu adopter en tout cas. Ouf, en dehors de toute régulation, eh bien, la vie des enfants adoptés peut vite se transformer en calvaire. Le journal cite l'exemple de Quita, une jeune femme libérienne de 16 ans. Ses parents adoptifs, les Puchala, l'ont confiée au Easton. Acte notarial à l'appui. Ces derniers étaient bien connus des services sociaux pour leur tendance violence ou étaient accusés même d'abus sexuels. Ils avaient perdu la garde de leur enfant biologique à la base. Je pense pas que c'est une bonne idée, hein, de leur confier des enfants comme ça. Mon ordi s'est mis à rouler là. Et lors de sa première nuit chez les Easton, eh bien, Quita a été invitée à dormir nue dans le lit conjugal. Quelques semaines plus tard, les Easton, disparaissent avant d'être arrêtés par la police et les autorités ont ramené Quita chez les Puchala, qui étaient quand même pas les meilleurs parents, hein. Donc, Reuters a aussi passé en revue 5029 annonces postées sur le groupe Yahoo sur une période de 5 ans. En moyenne, une offre de rehoming était postée par semaine. La plupart des enfants sont âgés de 6 à 14 ans et ont été adoptés à l'étranger comme la Chine, la Russie, l'Éthiopie ou l'Ukraine. Le plus jeune enfant avait 10 mois. Alerté, Yahoo a immédiatement fermé le groupe en question. Facebook, en revanche, a refusé d'en faire autant. Pour une porte-parole du réseau social, Internet est le reflet de la société et les gens l'utilisent pour toutes sortes de communications et régler tout type de problèmes, dont des soucis très compliqués comme celui-ci. Assez bizarre. D'habitude, Facebook, tu peux même pas mettre une paire de seins comme photo de profil. Genre, tu vas te faire dire que t'es le pire humain du monde, mais tu peux échanger ton enfant adoptif. Pas de problème. Venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cestfou.ca.